Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux et qui fait toujours top 1. Moi, c'est Hugo, je suis avec Maxime. Bonjour. Et je suis aussi avec Exerve. Bonjour. Non, je suis en train de me dire, oui, c'est vrai, ben top 1, on est top 1 dans le grand battle royal des podcasts, jeux sûr. Vidéo. On n'est oui. pas là, oui, on est ah, là. Ah oui, bah oui. Il bah, y a les grosses têtes, il y a des choses, voilà. On est ah ouais, pas encore le premier à ce podcast. Niveau-là. C'est, on n'est pas encore les références d'Hugo. Donc, on se retrouve pour une nouvelle émission. On est très content de vous retrouver. Merci de nous soutenir sur le Patreon. Je le rappelle que c'est, eh bien, c'est grâce à vous. Vous êtes la structure, vous êtes les poutres de ce podcast, les fondations les plus importantes. Merci de nous rejoindre. Il y a toujours des gens voilà, qui, continuellement, ça ne s'arrête pas. Et on est bah, très heureux voilà, de pouvoir compter sur vous pour pouvoir faire cette émission. Voilà, que de fierté. Je ne peux pas, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Vous êtes heureux ? Ah bah oui, oui, très content. Vous êtes content, très bien. Oui, ce sont les top 1 dans nos cœurs. Ah, voilà, merci. Les expressions. Ils sont top 2, c'est notre sponsor pour cet épisode. Notre sponsor, c'est encore une fois le Game Pass de Microsoft. Alors le Game Pass, je le rappelle, c'est cette ludothèque de plus de 100 jeux qui est disponible sur PC et console Xbox via un abonnement. Hein, c'est tout simple, en fait, c'est une grande collection de jeux et dès que vous devenez membre, eh bien, vous avez accès directement à ces jeux. Il suffit de les télécharger, Benoît. C'est extrêmement simple. Dans ces jeux, il y a évidemment les jeux issus des Xbox Game Studios, il y a les derniers Gears of War, là, il y a les derniers Halo, il y a les derniers Forza. Mais pas que. Mais pas que, effectivement, puisqu'il y a bah, plein d'autres jeux. En fait, il y a les d'autres premiers jeux. Forza. Les Je premiers sais pas Halo. Les premiers. Attention, attention, monsieur. Il y a les premiers Halo. Il y a les premiers Halo. Ça, c'est oui, sûr. Toute la collection oui. est disponible. En fait, à chaque fois que j'y vais, je fais, il y a quand même pas mal de trucs en vrai sur ce bah, surtout que comme ils en rajoutent régulièrement, ouais. tu vois, ça ne fait que s'ajouter. Oui, c'est vrai que le catalogue se renouvelle. Et justement, on a une petite recommandation à faire, monsieur Serve. Effectivement, un petit jeu français, alors que moi j'avais connu bien avant, qui sort sur le Game Pass, mais il vient d'arriver il y a quelques semaines, c'est Young Souls. C'est un jeu qui est développé par le studio 1P2P, qui est édité par nos amis de Dotemu/Arcade Crew. J'ai failli. C'est bon, je me suis pas trompé sur le nom. Et en gros, c'est un brawler, donc il faut imaginer un truc à la Street of Rage, etc. On joue un frère et une sœur, et c'est mélangé, évidemment, avec un peu du Diablo. On récupère des épées, du loot, des nouveaux pouvoirs. Il y a des gros boss qui ont des grosses barres de vie, et on fait des roulades. D'où donc, le Souls. D'où dans, le Young dans... Souls. Voilà, c'est parce ça, que exactement. Benoît ne joue qu'à des jeux comme ouais, ça. Oui, mais je suis obligé. S'il n'y a pas Dark ou Souls, dans ouais. le, ou Born ou Blood, tu vois. Dans Ring le... maintenant ouais, non, Ring, je pense que je peux, j'ai le droit. Tu as le droit, ouais. très bien. En tout cas, c'est très cool, et ça se joue en plus en coop. Donc voilà, Young Souls, très très bien. Pour rappel, le Game Pass, c'est disponible pour 9,99€, que vous soyez sur PC ou sur console. Et bien sûr, il y a la formule à 12,99€, qui est le Xbox Game Pass Ultimate, qui vous permet à la fois bah, de profiter du jeu en ligne, mais aussi de jouer avec le cloud. Encore une fois, merci à Microsoft de soutenir eh bien, cette grande aventure qui est Fin du Game. Et on va pouvoir attaquer ce nouvel épisode, épisode exceptionnel. Ah bah là, bien exceptionnel, sûr. Exceptionnel, déjà parce que c'est un jeu multi et ça... J'allais dire déjà parce que c'est un épisode. Oui, et déjà, bon, ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que c'est parce que c'est un jeu multi et que ça, c'est pas souvent dans l'émission. Et surtout, c'est un free-to-play. Ouh là là. Et ça, c'est complètement oui, inédit oui, oui, dans l'histoire je, de cette émission. Je réfléchis. Non, c'est la première fois qu'on fait ça. Ouais, peut-être. Moi, je n'affirme pas tant que j'ai pas la liste entière sur les jeux. En le fact-checker. Ça va être l'occasion de pouvoir discuter de tout ça. Et ça, ça va être, voilà, ça va être la régalade, tout simplement. Donc, beaucoup de choses qui vont arriver dans cet épisode qui commence juste après cette petite musique. We'll be right back. Apex Legends, c'est donc sorti le 4 février 2019 sur PC, Xbox, PS4, puis c'est arrivé sur Switch, et c'est en train même d'arriver sur mobile, puisque au moment où nous enregistrons cette émission, il est en bêta-test dans un certain nombre de régions. Si vous êtes colombien, mexicain, enfin il y a plusieurs pays d'Amérique du Sud et d'Asie du Sud-Est, mais aussi Australie, Nouvelle-Zélande, dans le tas, donc Océanie, on va dire. On vous salue, voilà, les millions. Déjà, on vous salue. Voilà, déjà. Et peut-être que voilà, vous pouvez vous inscrire à la bêta de la version mobile d'Apex Legends. Voilà. Vous pouvez le faire ici aussi, mais c'est juste que pour l'instant, vous n'aurez pas accès au jeu. Exactement. Alors, c'est édité par Electronic Arts, c'est développé par Respawn. Respawn Entertainment ? Oui, je crois que c'est ça. On continue finalement notre grand feuilleton, notre feuilleton de l'été, effectivement, avec Respawn, puisque on en avait déjà parlé, eh bien, pour l'épisode Jedi Fallen Order, et puis on avait aussi parlé de ces gens-là sur l'épisode de Call of Duty. Juste pour replacer un petit peu les personnes à retenir, c'est donc ces fameux Jason West et Vince Zampella qui étaient des gens qui travaillaient chez Infinity Ward. Et puis, suite à des petites disputes avec Activision, ont décidé de dire « Allez, ça suffit les conneries, on va aller fonder notre propre studio, donc Respawn. » Infinity Ward qui, du coup, avait bossé sur beaucoup de Call of Duty, notamment les Modern Warfare qui avaient vraiment propulsé la licence à des nouvelles hauteurs. Voilà, comme on l'a dit, vous pouvez écouter tout ça dans l'épisode, mais ça resitue un petit peu l'héritage de ces gens. Ce qu'il faut savoir donc, c'est que ils fondent Respawn et leur ambition, c'est de faire de nouveau du FPS, puisque c'est vraiment leur savoir-faire, même si après par la suite il y aura une autre team qui se mettra sur Jedi Fallen Order. Eux, ils vont se focaliser sur le FPS et ils vont tout de suite trouver un appui avec Electronic Arts. Alors on sait, encore une fois, petit renvoi avec les épisodes derniers, puisque Activision, Electronic Arts, il y avait des petits bails entre les deux. Ils se battent tout simplement pour essayer de tenir, on va dire, de gagner la timbale, tu vois, le top 1 du gros FPS, tous les jeux qui marchent énormément, et à l'époque c'est plutôt les Halo, les Gears of War, etc. Et donc eux, ils vont développer un gros FPS de leur côté, avec une petite particularité qui va s'appeler Titanfall, puisqu'on va se battre à pied, mais également dans des gros robots. On va des pouvoir titans faire... Oui, des titans qui tombent. C'est Titanfall. Comme quoi, ça, ouais, ça coule de source. Voilà, hein, des fois, ils se prennent pas trop la tête sur les noms. Non, mais c'est vrai que c'était donc un FPS de science-fiction qui était l'objectif. C'était, comme tu l'as dit, de prendre un petit peu la concurrence des Halo, des Gears of War. Jeu qui va être quand même plutôt bien reçu à l'époque. Hein, Titanfall, ça va plutôt pas mal marcher, en tout cas au niveau de la critique. Sur les ventes, ça va être encore un peu mitigé, ça va malheureusement pas être le grand succès que de Modern Warfare. Ça reste compliqué de lancer de toute façon une nouvelle IP, une nouvelle licence. Surtout à l'époque d'ailleurs, c'était un gros sujet ça, la création des nouvelles IP. Et ils ont essayé et donc en fait ils se sont dit maintenant qu'on l'a installé, direct ils ont embrayé avec le développement du 2, bon, qui reprend quand même beaucoup de choses du premier épisode. Deuxième épisode qui est assez apprécié, globalement. Il y a un amour un petit peu culte autour de cet épisode. C'est le fameux syndrome du martyr. C'est les jeux, les consoles qui n'ont pas trop bien marché. Il y a des gens qui ont une sympathie pour ça et je peux comprendre. Tu vois, une espèce d'empathie. Il y a des gens qui disent que c'est l'héritier de Half-Life 2. C'est ça, oui, carrément. Les gens qui l'appellent Half-Life 3 et tout. Voilà. Waouh. Maxime, le jugement. J'irai pas jusque-là. Un peu déçu quand j'y ai joué, du coup. Voilà, on en dira. On te l'avait peut-être un peu survendu. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai fait que le 2. J'ai bien aimé globalement, mais c'est vrai que je ne l'ai pas trouvé non plus incroyable. Quoi. Très bien. Alors, ce jeu qui, malheureusement, lui non plus, va avoir un petit peu de mal à s'imposer. Il faut dire qu'il y avait eu toute cette histoire à l'époque où il était sorti quasiment une semaine avant ou après Battlefield 1, qui est l'autre en fait, gros FPS qui est édité par EA. Et en plus, il était tombé en face d'un des Modern Warfare. Alors, je ne sais plus lequel. Enfin, un Call of Duty. Il me semble que c'était Modern Warfare. Ça, tu dis, il faut quand même avoir des soucis pour se dire, sortir un jeu en plein mois de novembre, normalement, octobre-novembre, tu sais qu'il faut pas trop, tu vois. À part si c'est toi Call of. Oui. Là, ça oui, va. Oui, non, mais voilà, non, mais quand c'est toi le patron, t'as le droit. Surtout que c'est EA, parce que tu disais, c'est sorti à une semaine près de Battlefield 1, c'est aussi Electronic Arts qui décide de ce genre de sortie, donc c'était un petit peu curieux de voir EA sortir deux jeux quasiment en même temps, plutôt concurrents. Bon, il y avait des théories comme quoi, parce qu'on le sait, c'est que du coup, ça fait que le un jeu, an plus alors, tard. Ça a participé à l'échec du jeu, en tout cas, on ne sait jamais à quel point... C'est difficile à mesurer, mais en tout cas, c'est sûr que ce n'est pas l'idéal. Et un an, grosso modo, un an après ça, EA a racheté Respawn Entertainment, donc il y a des théories comme quoi, est-ce que... c'est plus ou moins complotiste, parce que de toute façon, on ne sait pas, on ne peut pas savoir, mais en tout cas, ça a affaibli un petit peu Respawn qui a pu se faire racheter par EA, quoi. Oui, en gros, c'est EA qui aurait dit, on va sortir en même temps Battlefield, comme ça, on affaiblit Respawn, et comme ça, ils auront moins de valeur, et on pourra pourra les acheter moins cher. Bon, c'est un petit peu succession tout Game ça. Of Thrones, oui, ouais, voilà, voilà, c'est un petit peu, c'est, pareil, c'est des moves un peu comme ça, donc on sait pas, mais bref, il y a des théories comme ça. Tout ça pour dire que bah voilà, Titanfall 2 a un petit peu du mal, il travaille quand même sur le mode multijoueur qui a quand même aussi son petit lot de fans, et bien c'est à ce moment-là qu'ils vont commencer à essayer de bosser sur un mode un peu survie, des affrontements comme ça, voilà. Il y aura des nobles, il y aura des batailles, ils ont des petites idées comme ça, et ce qu'il faut se dire, c'est qu'en parallèle, il y a un truc qui est en train de grossir un peu dans le jeu vidéo, qui s'appelle le Battle Royale, tout simplement. Quand c'est qu'il arrive vraiment dans le jeu vidéo, je pense qu'on peut le dire, c'est avec le mode Hunger Games de Minecraft, c'est un des premiers trucs à avoir vraiment fait du Battle Royale. Il y avait DayZ Battle Royale quand même. Ouais, mais c'est arrivé après en fait. Disons que dans la partie FPS, donc la partie qui a commencé à cartonner sur Twitch et tout, c'est effectivement un mode de Arma. Arma, c'est la série de simulation de FPS, où il y avait ce mode-là qui est petit à petit devenu un Battle Royale, entre guillemets. Oui, voilà, parce que c'est un mode de mode. Donc Arma, comme tu as dit, truc militaire réaliste. Il y a ensuite eu DayZ, qui c'était donc des zombies avec des joueurs qui pouvaient s'entretuer ou coopérer et gagner à la fin. Je crois qu'une partie, ça dure à peu près une heure, un truc comme ça. Et après, il y a eu un mode du coup de DayZ, où là, c'était en Battle Royale. Exactement, donc c'est à ce moment-là que ça va commencer à se mettre en place. Il y a d'autres jeux qui vont aussi faire des choses un petit peu comme ça. Il y a H1Z1, qui était aussi à la base un jeu de survie avec des zombies, et du coup, il y aura encore un mode Battle Royale. J'avoue que j'ai plus le détail, mais H1Z1, je pense que c'est une version alternative de DayZ. Il a pu l'avoir dans l'équipe de développement, quelqu'un qui est parti ou quoi, faire son DayZ à lui. Le créateur de DayZ, il a des casseroles au cul qui durent sur des kilomètres et des kilomètres, parce que bon, DayZ, il a mis des années à sortir, et bon, il est arrivé évidemment beaucoup trop tard. Il est sorti en 2018. Des années après que ça ait fonctionné. Mais en gros, donc il y a DayZ, H1Z1, et ils ont chacun eu leur mode Battle Royale. Et sur le mode Battle Royale de H1Z1, ils ont pris en consultant le mec qui avait fait le mode Battle Royale de DayZ, Brendan Green. Et H1Z1 a plutôt bien marché, tu vois. Même DayZ, quand il est sorti, ça a fait quelques millions de ventes, j'ai vu, c'est quand même pas rien. Mais, et puis vous l'avez dit, on parlait, il y a eu Hunger Games et tout, donc c'est un mode de jeu qui commence à prendre de l'importance. Et le fameux Brendan Green, son pseudo c'est PlayerUnknown. Et voilà, vous l'avez peut-être compris, mais un jour, il y a un studio en Corée, Bluehole, je crois, qui l'appelle et qui lui dit nous, ça fait longtemps qu'on veut bosser sur un Battle Royale, est-ce que ça te dirait pas d'avoir une équipe, de devenir le directeur créatif. Voilà, on te paye. Du coup, évidemment, le mec il dit oui, et ça donnera PlayerUnknown's Battleground. Sachant qu'il y a toute une storytelling autour de ce type-là, parce que il y a pas mal d'articles qui en parlent. Il me semble que Noclip aussi avait fait une vidéo sur son histoire. On peut vous renvoyer. Et le type, il est vraiment parti, tu vois, from the bottom, comme on dit, parce qu'il était limite dans la rue à un moment donné, à vraiment plus avoir. Rien, tu vois, pour subvenir. Et il se baladait dans la rue à taper des gens. Et du coup, grâce à cette histoire de PUBG, puisque c'est comme ça qu'on va l'appeler par la suite, évidemment, il a connu le succès, quoi. Donc ça arrive début 2017, PlayerUnknown's Battleground. Ça sort en Early Access, le jeu est payant. On n'est pas encore sur du modèle du free-to-play, c'est important de le noter pour plus tard. Et toute l'année 2017, enfin, je sais pas si vous vous souvenez vraiment, la presse, c'est d'un coup, du jour au lendemain, on se met à avoir des news sur du Battle Royale, avec des histoires de chiffres, etc. Et ça commence à vraiment prendre une énorme ampleur, à tel point que Microsoft en font un peu leur, on va dire, leur grosse annonce de l'E3 de cette année-là, c'est d'avoir un partenariat sur Xbox One de PUBG. Ils ont le jeu en game preview. C'est de l'early access, mais version Xbox, et ils avaient le jeu en fait avant, tout simplement, PlayStation, ce qui à l'époque était une grosse chose, puisque le PUBG pendant quelques mois, c'est le cador du Battle Royale. Jusqu'au mois de septembre. Jusqu'à la fin de 2017, PUBG va quand même très très bien fonctionner. Les records vont être établis comme ça dans les autour de décembre 2017. Les 3 millions à un moment de joueurs simultanés. Donc c'est gros, le record quand la version 1.0 sort, tout simplement, c'est en fin d'année 2017. Mais effectivement, quelques mois avant, il y a un autre jeu qui est arrivé. Alors ce jeu-là, à la base, c'était pas un Battle Royale, il s'appelle juste Fortnite, c'est un petit jeu comme ça. On fait des petites constructions, on doit tuer des petits zombies qui nous attaquent la nuit. C'est ça. Ça marche pas très très bien. Ça marche pas du tout. Et puis du coup, chez Epic, ils se disent, bon, Qu'est-ce qu'on peut faire? Le Battle Royale, ça marche? Tous les jours, Joyeux News, PUBG, il a passé le 2 millions ouais. de joueurs, il a passé 2,2 millions de joueurs, 2,5. Bon, donc il dit aux équipes, allez les gars, vous me bricolez un mode comme ça. Et donc, c'est, on l'avait dit, c'est sorti en juillet, la version de base. L'original. Et en septembre arrive donc Fortnite, le Battle Royale. Et bon, je pense que là, on n'a pas vraiment besoin de vous faire un historique de ce qui va se passer par la suite, parce que ça va être le phénomène qu'on connaît aujourd'hui, tout simplement. Pour donner un ordre d'idée, des chiffres. Comme on le disait, c'est que voilà, Call of Duty, PUBG, donc il y avait beaucoup de news quand il tapait le 3 millions de joueurs simultanés. On l'a dit, donc en septembre, il y a Fortnite Battle Royale qui sort. Un mois après, il fait 3,7 millions. Donc il dépasse déjà PUBG. Donc déjà, il n'explose pas le record, mais il dépasse déjà PUBG quasiment à sa sortie. Quoi. Et depuis, ça n'a fait que monter. Juste pour rester un petit peu dans les chiffres, pour vous donner un ordre d'idée, en mars 2021, Fortnite, c'était 35 millions de joueurs en simultané. Le pic, le plus gros pic. Donc c'est ma boule, en fait. Moi, quand je l'ai dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais là, on est avec nos jeux indés d'habitude, et ils s'en est vendus 600 000. C'est incroyable, des scores de fou. PUBG, il faisait vraiment d'excellents scores, mais ça restait un peu quand même, tu vois, chez, entre guillemets, les gamers. Tu vois, c'est un jeu qui est sur Steam, ou du coup, exclu temporaire Xbox. Ouais. Il était à 30 balles. C'était un peu, on reviendra en détail dessus, mais un côté un peu austère, tu vois, réaliste, dedans, même si, bon, il y a quand même quelque chose de nouveau hein, dans la formule Battle Royale qui grandit ou qui se démocratise. Mais Fortnite, on arrive à une sphère vachement plus mainstream. Je pense que vous avez, enfin, j'imagine que 9 personnes sur 10 en ont entendu parler. C'est en fait, du free to play, en fait, écoutent, tout simplement. C'est free to play gratuit. C'est un des tout premiers jeux qui a vraiment démocratisé l'idée du crossplay. Ouais, c'est vrai aussi. C'est la même progression. Ils sont très vite battus dessus. Vous commencez une partie sur téléphone, vous jouez contre votre copain qui est sur PC ou sur Xbox, vous reprenez votre partie plus tard sur la console. Enfin, vraiment, c'est extrêmement souple là-dessus. Et bon, bah, ça a connu le succès. Peut-être qu'on en parlera un jour, on ne sait pas. Quand ce sera retombé. Un jour sûrement, mais quand je disais, tu vois, ça a pénétré vraiment des nouvelles sœurs, c'est que tu as eu du merch. Tu disais, toi, tu as vu des serviettes de vacances. Oui, non, mais de toute façon, Fortnite, c'était rigolo. Parce que, alors, la micro-anecdote, moi, je faisais des interventions dans des écoles primaires où je faisais un petit peu de discussion et de médiation avec des enfants pour parler un peu de jeux vidéo, de leurs pratiques et tout ça. Et vraiment, en l'espace de quelques mois, on est passé de les gamins du primaire, ils me disent vous jouez à quoi, ils me répondent tous GTA, et à vous jouez à quoi, Fortnite. Et du coup, il n'y avait plus un seul gamin qui jouait à GTA dans tu vois, des classes de CM1, CM2. Quoi. Non, mais de toute façon, voilà, c'est le phénomène qu'on connaît, voilà, tous les enfants, et, enfin, c'est complètement ouf. Et c'est ce qui va faire surtout que bah, voilà, le Battle Royale, ça va devenir le Battle Royale, le truc qu'on nous a martelé, hein, tout simplement, tous les jeux allaient devenir des Battle Royale. Alors, ça n'a pas forcément été le cas. Par contre, il y a eu plein de Battle Royale. C'est comme d'hab, hein. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Oui. Hein. Bah, à partir de 2018, hein, grosso modo, il y a pas mal de jeux qu'on... Enfin, rendez-vous compte, Fortnite, c'était un jeu qui n'avait rien à voir avec ça. En 2 mois, ils font un mode Battle Royale qui, en 1 mois, arrive à presque 4 millions de joueurs. En fait, c'est un succès qui est incroyable. Mmh. Et ça surfe sur le succès, évidemment, hein, de PUBG, la formule. Du coup, forcément, ça inspire plein de gens. On peut citer, il y a Realm Royale, qui était fait par le studio. C'est ceux qui avaient fait Paladin, qui étaient déjà un peu accusés d'avoir copié un peu Overwatch. Donc, C'était un héros shooter. C'était un héros shooter, Realm Royale. Enfin, il y avait des classes au début. Il y avait 3 ou 4 classes de persos qui des pouvoirs différents. Il y a eu alors ça aussi c'est là vraiment quelqu'un qui a été inspiré entre guillemets par succès. On appelle ça l'opportuniste, comme dirait Jacques Dutronc. Après voilà, c'est parce que ça faisait suite à un échec, mais c'était Cliff Bleszinski qu'on connaît pour avoir créé Gears of War, qui avait lancé un jeu qui s'appelait Lawbreakers, et qui était une espèce de shooter arena, mais compétitif en arena. Et du coup ça a été un gros échec, ce jeu. Et du coup, forcément, il leur restait un petit peu d'argent. Ils se sont donné... On fait une Fortnite. Bah, tu vois, littéralement, ils ont dû se donner à peu près peut-être un mois, quelque chose comme ça, pour bricoler encore un prototype, passer en TPS, grande map et tout, qui s'appelait Radical Heights. Du coup, ça n'a pas du tout marché. Un mois après, ils ont abandonné. Mais il y avait vraiment ce côté baroud d'honneur. On tente une Fortnite, littéralement. De toute façon, c'est pas les seuls. Hein. Je veux dire, des jeux comme ça qui ont mis en place ce truc, on en est au stade où, à un moment donné, Nintendo, ils ont annoncé que Tetris allait avoir son mode Battle Royale avec le Tetris 99. C'est assez intéressant parce que là, ça a vraiment rajouté une surcouche à ce jeu qui est. Il n'y a pas plus ancestral que Tetris, et en fait, ça a redonné un intérêt. Donc, c'est vrai que c'est assez intéressant. Il y avait un moment où vraiment, tu avais un E3, il y avait toujours un Battle Royale qui était annoncé. Il y en a un, c'était Fear the Walls. Je crois que c'était peut-être par des anciens de Stalker, quelque chose comme ça. En tout cas, c'était un lien avec Stalker où il y aurait des monstres. Moi, je m'en souviens d'un où il y en avait un qui jouait le présentateur, et c'était un des joueurs qui choisissait un peu les emmerdes qui leur arrivaient. Ça, c'est Darwin Project. Project. Darwin Project, ouais. Ouais, qui a échoué, hein, d'ailleurs, je crois. mais alors, c'était un peu différent, parce que là, c'était que 5-6 joueurs, il y avait un côté influenceur et tout. Enfin, ah, c'est un petit peu différent. Ils ont essayé de faire le best of both worlds. On dit, vas-y, on fait Twitch aussi, on met tout ce que vous avez. Mais il y en avait un, je me souviens même plus du nom. Alors, est-ce que c'est Fear the Wolves? Mais tu sais, en fait, il y en avait, c'était, nous, il y aura 400 joueurs, tu vois, ça n'a rien à voir. Et il y en a un, il disait, nous, il y en aura 1000, tu vois, c'était génial. T'avais des annonces comme ça, c'était bon, d'accord. Bah, voilà, c'était cette période-là qui est assez révolue aujourd'hui, on y reviendra un peu par la suite. Mais au milieu de tout ça, il y a donc Respawn, ils décident de faire Apex Legends. Ce qu'il faut bien dire quand même, ce qui différencie Apex déjà en fait de tous ces petits projets, c'est que c'est pas un truc qui a été fait comme ça en 2 mois, c'est pas quelque chose sur lequel ils sont un peu lancés sur le feu à la vite. Non, c'est un projet qui avait déjà une genèse, déjà ils avaient un petit peu l'idée de faire un truc un peu survie, etc. Et en fait, c'est quand PUBG arrive et que ça explose qu'ils se disent « Ok, on va essayer d'aller sur cette recette, même si on va quand même conserver... tout ce qui faisait un peu le savoir-faire et l'identité de Titanfall, puisque y a tous les mouvements, alors pas tous, il y avait des wallruns, des choses comme ça, qui ne sont plus là dans Apex, mais par contre, sur les armes, sur les mouvements des personnages et tout, le fait qu'on ait cette glissade comme ça aussi, c'est très ancré dans l'ADN Titanfall. Et l'escalade aussi. En fait, Titanfall, vraiment, l'identité, c'était quand même 2 trucs, c'était donc le déplacement et les mechas. Donc ça, il n'y a pas du tout dans... Ça, on jarte les mechas, il n'y a pas du tout dans Apex. Mais, tu vois, moi, j'ai joué à Titanfall 2 après avoir joué à Apex. Grosso modo, le 2/3 des armes, ça a été repris. Alors, il y a eu petit équilibrage qui a été fait entre temps, mais c'est quasiment les mêmes armes. Et comme tu l'as dit, le déplacement, il va y avoir la glissade, il va y avoir le fait de pouvoir monter assez haut. En fait, quand tu restes appuyé sur le bouton saut contre un mur, tu grimpes un peu, tu peux atteindre quand même des hauteurs assez grandes. Ouais. Je sais plus s'il y a des ziplines, des tyroliennes. Ça, honnêtement, je sais plus tout s'il y en a dans Titanfall, mais effectivement, une mécanique qui était quand même assez centrale dans Titanfall, c'est le fait de pouvoir courir contre les murs. Tu pouvais activer, je pense, du bullet time de mémoire de temps en temps aussi. Ça, ils ont enlevé. Donc voilà, mais ils ont quand même repris beaucoup de bases, et puis voilà, ils avaient leur moteur, ils avaient plein d'outils en fait qui étaient déjà à disposition. Sachant que quand on dit ça, c'est pas négatif. Non, pas du tout. Il faut bien se dire que des studios vont pas s'amuser à réinventer la roue à chaque fois, hein, s'ils ont quelque chose qui fonctionne. Justement, je pense que c'est ça qui fait que, encore une fois, après par la suite, ils vont réussir, c'est qu'ils avaient une bonne base de travail qu'ils ont pu exploiter, ont travaillé. Et puis après aussi, ils ont fait vraiment des choix pour se positionner face au Battle Royale qui était déjà là. Ça, c'est vraiment intéressant parce que j'ai lu quelques interviews des responsables des studios et marketing, de dire ok, comment on fait pour se mettre un petit peu au milieu de ce marché où il y a déjà des gros monstres qui ont bien pris de la place. Et du coup, une de leurs idées, c'était de vraiment focaliser sur le jeu social, l'aspect team play, squad play, parce que les autres Battle Royale, enfin en tout cas les plus populaires que sont PUBG et Fortnite, c'était des jeux solo, on pouvait y jouer tout seul ou alors en équipe, mais c'était pas forcément au cœur de la recette. Là, eux, dans Apex Legends, ils vont décider de faire que du team play, et surtout ça va être des teams de 3. C'est vraiment donc ce qui fait qu'ils se placent sur un truc un petit peu différent des autres, et ils vont vraiment appuyer là-dessus pour faire leur jeu. Sachant que forcément, eux, pendant qu'ils sont en train de développer tout ça, ils voient ce phénomène-là. Donc, ils peuvent un petit peu réagir, préparer aussi leur arrivée. On aura l'occasion de revenir parce que c'est la sortie d'Apex, c'est un truc assez particulier. Et un autre truc ici également qui est sympa à noter, c'est que contrairement, on va dire, aux autres Battle Royale qui très tôt, en fait, ont intégré l'idée de sortir sur mobile, parce que forcément, il y a un public énorme à toucher là-dessus. Eux, ils se sont vraiment, on va dire, concentrés sur les sensations de jeu, sur ce côté un petit peu fast FPS et donc très, entre guillemets, core gamer, et ça va rester un petit peu leur identité, et ça explique notamment pourquoi le jeu, il n'est toujours pas encore sorti sur mobile, parce que j'imagine que ça leur a pris du temps à trouver les bons contrôles. Juste pour expliquer ça, c'est qu'en fait, du coup, quand on décide de passer le jeu sur mobile, surtout sur un Fortnite où il y a du crossplay entre le mobile et tout, c'est-à-dire tout le monde peut jouer ensemble, il faut quand même faire des choix de design pour que ça marche, pour que ça soit quand même viable, alors que là, eux, ils se sont dit non, on va pas se prendre la tête avec des contrôles tactiles et tout, parce que on veut qu'il y ait un game feel important, on veut garder justement ces sensations qu'on avait avec Titanfall 2. Et puis voilà aussi, il y aura une plus petite map. Ils sont vraiment pas partis dans ce délire de dire viens, on fait la plus grande map du monde. Non, on va essayer de faire des maps qui sont un peu plus resserrées et essayer de vraiment travailler le level design. Mais bon, ça, on y reviendra un petit peu par la suite. Tout ça pour dire que quand ça sort, là aussi, il y a une stratégie qui est assez étonnante, parce que ils vont faire aucun teasing. Le jeu va sortir quasiment comme ça au moment de l'annonce. Alors, pour la petite anecdote, le mec racontait qu'ils sont inspirés de Beyoncé, puisque à cette époque... On salue, parce qu'elle nous écoute, bien entendu. On l'embrasse, évidemment. Thank you, Beyoncé. Et puis Jay-Z aussi, s'il nous écoute, voilà, merci pour tout. Mais non, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y avait pas mal d'artistes qui sortaient leurs albums un peu comme ça, sortis nulle part. Il n'y avait pas de teasing, rien du tout, pas d'annonce, alors que en général dans cette industrie, c'est on prend le temps, on sort d'abord des clips, etc. Et ensuite l'album sort. Là, Beyoncé, elle avait droppé un album sur les plateformes de streaming comme ça du jour au lendemain et ça avait fait un buzz incroyable. Tout le monde en avait parlé, tout le monde écoutait le nouveau truc dans Beyoncé et ils se sont dit, bah nous, on va essayer de faire un peu la même chose. On va sortir Apex Legends au moment où on l'annonce et surtout, ils se sont dit, bon, on fait ça, mais bon, si on le lance comme ça, comme des schlacks, ça va peut-être pas prendre. On n'est pas Beyoncé quand même. On n'est pas Beyoncé, tout le monde n'est pas Beyoncé. Donc, on va prendre quand même un petit peu quelques ronds et puis bah, on va faire un énorme push marketing sur Twitch. Et il y a eu notamment cette histoire de c'était Ninja hein, qui avait été payé $1 million de dollars américains pour jouer une petite soirée. Et cette stratégie, elle n'est pas innocente parce que PUBG s'est beaucoup fait connaître en fait via Twitch, via les influenceurs, parce que PUBG. Pareil, ils n'avaient pas vraiment de budget marketing, en tout cas pas plus que ça. Il n'y avait pas eu énormément de trailers. C'est vraiment l'early access qui a pris. Il y a des gens qui se sont fait connaître, je crois que c'est Shroud qui s'est beaucoup fait connaître sur PUBG, qui était un ancien pro de CSGO. Il y a eu beaucoup de carrières qui se sont lancées avec ces jeux-là. Ils avaient un système de partenariat, en fait, PUBG, où en gros, comme le jeu était payant, tu vois, tu devais t'inscrire sur leur site pour recevoir une clé, etc. Donc il y avait tout ce système où tout le monde pouvait essayer de l'obtenir, parce qu'à un moment, tout le monde voulait jouer à ça, puisque bah, sur Twitch, effectivement, c'était le jeu qui faisait. Tu y jouais, tu étais à peu près. Très certain d'avoir du monde qui venait te regarder. Il y a vraiment des noms qui ont émergé, tu vois, je disais donc Shroud, Ninja, qui s'est fait connaître avec Fortnite, et c'est pas pour rien que c'est surtout lui qu'ils ont payé, mais il y avait aussi, en France, il y a Gotaga, tu vois, qui est assez connu, et il y avait aussi Dr. Disrespect, avec ses affaires, mais ça, c'est des noms qui sont mis à apparaître avec le Battle Royale, en fait, et du coup... Des gens qui font leur carrière comme ça, grâce à une qui jouent à des jeux vidéo. Mais ils jouent à des jeux vidéo. Mais ce serait quand même fou. Ça n'existe pas. Et d'ailleurs, dans l'anecdote aussi qui est intéressante, c'est que dans cette guerre, justement, des influenceurs Battle Royale et tout. Alors oui, EA, ils ont payé Ninja et d'autres pour jouer à ça. Et Fortnite, enfin Epic, ils ont répondu de leur côté en... Parce que vous savez, il y a le fameux code créateur. Alors, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas l'Epic Game Store, mais sur Fortnite, donc c'est un free-to-play où on peut acheter des skins en achetant des V-Bucks, qui est la monnaie du jeu. Et au moment où vous achetez des V-Bucks, vous pouvez entrer un code créateur, donc le nom d'un YouTuber, d'un streamer... Cœur sur GND. Cœur sur GND et XR85. Par exemple. Et ils touchaient 5%, des V-Bucks. Alors eux, ils le touchaient en vrai argent, j'imagine, pas que des V-Bucks. Et là, le jour de la sortie en fait d'Apex, ils ont rétorqué en montant la part à 20% pour influencer les influenceurs à jouer à Fortnite plutôt qu'à Apex. Bah voilà. À se dire, attends, x4, mon gars, tu vois. Soit je joue à Apex et je montre un peu dans le train et parce que c'est un peu ce que les gens veulent, soit je dis, bon, bah non, je reste sur Fortnite parce que justement, je peux continuer à faire ma pub. Et là, en plus, sur les codes créateurs, j'ai avoir un bonus. Donc ça, c'est quand même vraiment... Bah, c'est intéressant, je trouve, de s'attarder là-dessus parce que vraiment, c'est sur ce genre de jeu, surtout free-to-play, maintenant que le paysage avec Twitch et tout, c'est là, en fait, que se passe vraiment le jeu de la visibilité, tout simplement, sur des free-to-play. C'est ça, le clé, c'est de se faire voir. Et Apex Legends l'avait bien compris. Hein, ils ont vraiment mis de l'argent pour faire ce gros push et qui a fait que, bah, très vite, ils ont réussi à toucher beaucoup de joueurs. Hein, ça a fait 25 millions, donc ils ont touché 25 millions de joueurs en une semaine, 50 millions en un mois. Et puis là, aujourd'hui, on a passé... je crois qu'ils sont à 130 millions de personnes qui ont au moins connectés, qui ont créé un compte et joué un peu à Apex. Alors, par rapport au chiffre de Fortnite, je crois que c'est pas grand-chose. Hein. Je crois que Fortnite, c'est 350 millions, un truc comme ça. On a dit, Fortnite, ils ont fait un pic journalier à 35 millions, et eux, c'est 130 millions en mode la vache qui rit, 100% des Français ont mangé, mangeons la vache qui rit, tu vois. Ces références incroyables. C'est ma ref marketing. Non, c'est un podcast de la culture. Je pense que le ministère de la culture d'ailleurs nous écoute. Mais tu sais, c'est des stats. Enfin, alors oui, il y a 130 millions de gens qui ont créé un ou 1000 comptes d'un free to play. Bon, c'est évidemment c'est comme quand on compte le nombre de balles qui ont été tirées dans un jeu. C'est un shit bullshit. Ça permet d'acheminer les gros chiffres. Ça permet de parler en fait du jeu. Mais voilà, en comparaison, je crois que Fortnite c'est peut-être plus de 350 millions, il me semble que c'est ce que j'avais lu, mais c'est peut-être plus encore aujourd'hui. Après, ça ne veut pas dire que Apex ne fonctionne pas, puisqu'en fait, au contraire, il fonctionne mieux aujourd'hui qu'il ne fonctionnait à sa sortie, parce qu'il a continué à grandir son parc de joueurs et de joueuses. On y reviendra là-dessus. Mais voilà, c'était intéressant de revenir sur cette côté sortie de nulle part, parce que vraiment, je trouve que c'est un super bon exemple de montrer comment ils ont fait du guérilla marketing, c'est-à-dire c'est ce qu'on fait d'habitude quand on n'a pas de sous, tu vois, et qu'on n'a pas de thunes, on fait du guérilla marketing, on essaye de faire des petites OP, mais eux, ils ont fait du guérilla marketing avec le budget de l'armée américaine, et donc forcément, ça a donné un truc assez drôle. En vrai, c'est un gros push, hein. C'est juste on met de l'argent et on développe nos trucs, mais voilà, c'est vrai que c'est osé, parce qu'il faut réussir à aller, enfin tu vois, il faut se présenter au board des directeurs, là, des actionnaires, et de leur dire, bon, on va faire aucune pub. Ouais, ouais, ouais. Le jeu, il va sortir 5 minutes avant, après qu'on l'ait annoncé. Vous voyez, Ninja, alors, vos enfants ont entendu parler. Ouais. Demandez à vos enfants. On va lui donner 1 million de dollars. Docteur Disrespect, le type avec la fausse moustache et la... Oui, oui, bah lui, il va jouer à notre jeu, vous allez voir. Vous connaissez pas, on vous fait confiance. Oui, ma fille, elle m'emmerde avec ses Battle Royale. Là, donnez-leur de l'argent à ces gens-là. Bref, tout ça pour dire que voilà, le jeu sort et bah, c'est quand même un succès. Parce qu'en vrai, ça aurait pu faire un vieux paix foireux comme ça. Bah, ça aurait bien pu sûr, durer hein. 48 heures et après, au revoir Apex quoi, on sait pas. Mais non, ça c'est quand même bien installé. On va revenir maintenant sur l'histoire d'Apex. Alors, je vais pas vous faire de suspense, ça va pas être une grande enquête sur l'histoire d'Apex. Pourquoi ? Parce que, alors c'est un jeu qui se déroule dans l'univers de Titanfall. Hein, ils ont fait une liaison. Je vois ton regard, c'est vraiment, c'est non, un non, régal. Non, non, pardon, c'est un régal. Désolé, je regarde ailleurs. Voilà, je te non, laisse non, te débrouiller ça passe, avec ça. Non, mais non, non, ça se passe donc dans l'univers Titanfall. En fait, à la fin de Titanfall 2, il y a une grande guerre interstellaire qui éclate, Maxime. Je m'en souviens pas. Donc, il y a une grande guerre, et ce qui va se passer, c'est qu'après bah, cette grande guerre, il y a différentes factions qui vont bah, émerger des conflits, des seigneurs de guerre comme ça, qui vont réussir à fonder bah, des nations, des choses comme ça. Et bah voilà, du coup, il y a une nouvelle société faite de multiples entités. C'est Mad Max. Et, voilà, mais bah ouais, c'est un peu ça. Et du coup, bah, ces multiples entités, pour quand même continuer à se foutre sur la gueule sans déposer trop d'argent, ils disent on va faire une sorte de jeu télévisé où on mettra. Bah, pas 100, mais 60 gugus par équipe de 3 qui vont se taper dessus. Et voilà, ça nous permettra de régler nos différends. Et en plus, ça fait une sorte de love story. Oui, voilà, nouveau, une régie pour les publicités. Voilà, donc voilà. Ça marche, tu vois, tout le monde est content. Exactement. Donc, ils font ça. Alors moi, j'ai pas du tout vu Hunger Games. C'est un peu ce délire-là, a priori. Non, mais en fait, c'est un délire qui est repris. On va pas faire l'historique de ces délires de Battle Royale. Donc, Battle Royale, c'est le nom du manga. Mais même toute cette idée de jeu télévisé où la vie des gens est en jeu, c'est des trucs qui existent depuis les années 70. Squid des... Game. Oui, mais même bien avant Squid Game, tu vois, il y a tout un tas d'anciens films. Moi, je pensais à des Running Man, Motorball, des trucs comme ça, qui le proposaient déjà. Donc, c'est des choses qui sont assez connues dans les romans et dans la littérature d'anticipation. Et eux, ils ont repris du coup ce côté-là où c'est du divertissement slash meurtre de voilà. meurtre à grande échelle. Là, c'est des jeux de gladiateurs, à grande échelle, tout simplement, à échelle interstellaire. Et donc, il va s'écouler énormément de saisons. Ça va durer pendant 120 saisons, Benoît. C'est du fact-check, hein. C'est vrai. Écrit comme ça. Hein. En plus, j'ai mis, il y a eu genre 120 saisons. Donc ça se trouve, c'est 124, je sais pas du tout. Ça a été fact-checké, mais à une vache près, quoi. Voilà. Et en fait, bah, nous, quand on rentre dans le jeu, on arrive après ces 120 saisons. Et ce qui va se passer, bah, que chaque nouvelle saison, eh bien, il y a des petites histoires comme ça qui se tissent entre les différents personnages qui vivent, voilà, les différentes légendes, hein, qui sont ces grands guerriers qui prennent part à ces jeux. Et voilà, je n'irai pas plus loin. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est que là, au moment où on enregistre, il y a la 19e saison qui va bientôt être annoncée. Il y a eu un personnage qui a été teasé, là, je crois qu'il s'appelle Newcastle. Et en gros, c'est ça, c'est qu'à chaque nouvelle saison, eux, ils ont développé vraiment tout un côté, alors on va le redire un peu plus tard, beaucoup inspiré par Overwatch, où ils ont créé cette espèce de lore en parallèle du jeu. Ça se passe que dans les petites cinématiques. Il y a des cinématiques, des personnages qui ont des relations entre eux, qui ont des intentions, il y en a qui veulent récupérer tel truc, de se venger de ce qui s'est passé il y a 120 ans. Et puis, il y en a un, il vient de l'univers de Titanfall, il a vécu ci, il a vécu ça. Il s'était tapé un délire aussi où il faisait monter justement l'hype pour un perso qui, en fait, il y avait une vidéo, une interview de lui où il y avait le reveal et tout, et il se fait assassiner. Et en fait, c'est celui qui l'assassine qui est le perso. Ah là là, ils sont là forts, et ils sont ça, forts. Ça, ça donne envie. Hein. Et oui. Bref, en tout ça, tout ce lore, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toute cette histoire, on n'y passe pas trop de temps. Alors déjà, parce que bon, on l'a pas suivi, il faut quand même le dire, parce que moi j'ai joué au jeu là pour l'épisode. Max, toi tu avais joué dès le Day One, toi aussi. Oui, pareil, Benoît, j'avais pris le train en marche. J'ai joué quelques centaines d'heures. Quelques centaines d'heures. Voilà, j'ai calé ça. Moi j'étais le petit bonhomme qui suivait Max et qui le soignait des fois, tu vois, derrière comme ça. Vas-y, va tuer des gens à ma place. Et donc, ouais, t'as quand même fait quelques saisons, mais on n'a pas suivi non plus l'entièreté des saisons et c'est pas quelque chose sur lequel on s'est trop attardé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, bah, tout ce qui est écrit, toute l'écriture, elle vient là pour justifier en fait les ajouts de gameplay qui vont être bah, déjà les nouveaux héros et puis aussi les petits changements dans les maps puisqu'il y a différentes maps qui vont tourner il y a des nouveaux mobs au sein de ces maps, il y a des choses qui vont se passer, je sais pas, il y a un missile qui va tomber quelque part et du coup bah, à la nouvelle saison il y aura un trou dans la map et bref, il y a des petites modifications de level design qui se font bah, encore une fois pour renouveler l'intérêt hein, pour faire que le jeu continue d'évoluer et voilà. Tout le lore est fait derrière pour supporter toutes ces modifications. Et puis c'est vraiment en parallèle. En fait, ouais. Je pense que t'as d'abord l'idée de changer un peu la map, de changer un peu le truc, ou d'ajouter des persos, hein, parce que voilà, c'est le modèle sur lequel ils se construisent. On reviendra en détail là-dessus, mais c'est le héros shooter, jeu service, Battle Royale. Et c'est en parallèle. Il y a une communauté que ça intéresse. Il y a des comics aussi, hein. Mais comme Overwatch, tu vois, en fait, Overwatch, c'est un peu, je pense, le modèle. Moi, ça me rappelle un peu la narration aussi des jeux de combat, tu vois, à l'époque où ça passait un peu par les dialogues, par ce que tu lisais dans le fascicule et tout, mais en jeu, il n'y a pas, tu vois, ils quasiment. Se mettent sur la tronche, voilà. Tu vois, Hadoken, hein. Et c'est ça, et de toute façon, c'est incohérent. C'est-à-dire que. Il y a les tournois, ils se tabassent entre eux. Moi j'ai vu le film Mortal Kombat avec Christophe Lambert. L'histoire est tiens. T'as pas vu toutes les cinématiques de Tekken, Maxime. C'est très cohérent. Attends, la famille Mishima, on rigole pas. Tu vois, dans Overwatch, il y a toutes ces backstories entre des gens et tout. Bon, ils se foutent sur la gueule, tu vois, dans le jeu. Non, mais c'est ça. Il y a toujours un décalage entre ce qu'on fait dans le jeu qui est juste pam pam boum boum, on se tire dessus. Mais ils créent en fait ce truc-là autour pour donner justement un petit peu d'enrobage. Ça permet de toucher une communauté que ça intéresse et ça permet de nourrir un petit peu l'univers de leur jeu et expliquer l'arrivée des nouveaux persos, comme on l'a dit. Un truc sur lequel ils se sont rapidement différenciés, c'est sur leur casting. À l'arrivée, dès la sortie de Apex, alors au début, je crois qu'il y avait quoi, 7-8 persos, on n'avait pas encore autant qu'il y en a aujourd'hui, mais dès le début, il y avait un casting assez varié, c'est-à-dire qu'il y avait déjà beaucoup de femmes, il y avait des personnes de couleur, et donc ça changeait un petit peu de l'ambiance habituelle des jeux. En tout cas, des Battle Royale, parce que Overwatch, déjà, c'était un truc qui... Donc Overwatch, pour rappeler, il sort en 2016, début 2016, et donc là, Apex, on disait à peu près 3 ans après. Mais effectivement, Overwatch déjà se démarquait beaucoup, en fait, avec tout ce casting hyper varié. Il y a même des animaux. Enfin, tu vois, aujourd'hui, il y en a un à la sortie, je crois, il y en a deux maintenant. Mais effectivement, par rapport à un PUBG ou un Fortnite, où les modèles, c'est vraiment homme ou femme, en gros. Et après, tu as des skins qui viennent un peu colorer tout ça. Mais là, il y a un casting avec des voix, tu vois, aussi. Ça, il n'y a pas dans PUBG et Fortnite, il n'y a pas de voix. Tu vois, là, il y a des voice lines, il y a des personnalités, et il y a du lore. Et comme on le dit, ce lore, il va aussi passer par du dialogue entre ces personnes. De temps en temps pendant le jeu, quoi. Donc ça, c'est pour vous donner un petit peu à quoi ressemblait l'univers du jeu à la sortie. Avant d'expliquer pourquoi Apex fonctionne et pourquoi, en tout cas, il est un peu différent du reste, on va revenir bêtement sur ce que c'est un Battle Royale. A priori, vous devriez le savoir normalement. Normalement, les codes commencent à être un petit peu connus, mais dans le doute, on va le rappeler. Donc l'idée, c'est d'avoir une grosse map unique. Il n'y a pas d'instance ni quoi que ce soit. Il y a des points d'intérêt de taille variable, etc. Avec en fait une zone de jeu qui va se réduire au fur et à mesure. Une zone qui, en fait, c'est une sorte de... Alors, ça peut être, on va dire une tempête ou un truc radioactif. Oui. Et en fait, ça se referme. Il y a une justification, tu vois, à chaque fois. Il y a un cercle, en fait. Au début, la map est complètement safe partout. Et il y a un cercle qui se referme à intervalles réguliers. Et en fait, quand tu es en dehors du cercle, tu prends des dégâts, et tu prends de plus en plus de dégâts en fonction de l'avancement de la zone. Puisque sur cette grande map, on va balancer un certain nombre de joyeux lurons. Alors, c'est vrai que le code habituel, c'était 100. Là, dans Apex, c'est 60. Et ces gens-là, l'objectif, c'est qu'il n'y en ait plus que un à la fin. Et j'ai fait le 1. Comme Denis Brognard, parce que quand même, c'est notre maître à tous à ce niveau-là. Moi, ma référence, c'est Highlander, mais chacun son truc. Moi, j'avais Passepartout qui monte le nombre de clés. Trois goûts, trois salles, trois ambiances. Tout ça pour dire qu'à la fin, il ne doit en rester qu'un, ou là, plutôt plus qu'une team, c'est ça l'objectif. Et donc, il y a cette idée vraiment de survie. Il va falloir très vite trouver des armes pour s'équiper et justement survivre aux différents affrontements avec les autres et bien sûr survivre à cette fameuse zone qui se resserre et qui encourage encore une fois les combats, puisque au bout d'un moment on n'aura plus le chat, on va devoir se rencontrer et faire face à l'adversité. Et la mort est définitive, c'est-à-dire quand tu meurs c'est perdu, tu ne respawns pas sur la carte. Il peut y avoir, en tout cas dans la plupart des Battle Royale, il y avait Call of Duty Warzone, eux ils proposent un truc qu'ils appellent le goulag. Oui c'est vrai, en fait quand tu meurs tu te retrouves face à une autre personne qui est morte et il y a un duel et celui qui gagne a le droit de revenir sur la map. Et je pense que c'est peut-être qu'une fois du goulag. Mais je me souviens, Mais la norme, en tout cas, jusqu'à Apex, c'était quand tu meurs... Tu repars au lobby et tu recommences de zéro. Parce que tout le stuff qu'on récupère, tu regardes tes potes mourir aussi et après tu retournes dans le lobby. Donc, on reviendra dessus, mais il y a possible de se faire ressusciter, etc. Il y a des spécificités. Il y a un petit twist aussi. Mais du coup, ce qui est vraiment important, vraiment dans la formule, c'est donc mort définitive, du loot aléatoire, enfin du stuff aléatoire, donc il faut trouver des bonnes armes. et ensuite essayer de survivre le plus longtemps possible, de tuer les gens qui nous tombent dessus, ou à avoir des stratégies, on va dire, agressives, attaquer des gens pour pouvoir avoir plus de loot, pour pouvoir être un petit peu plus safe, ou gagner plus de points, hein, voilà. Puisque tuer des gens, en général, ça rapporte des points aussi. Alors, qu'est-ce qui fait l'intérêt de toutes ces formules? Parce que là, c'est un petit peu les bases du game design, en fait, les règles du Battle Royale. Qu'est-ce qui le rend intéressant? Qu'est-ce qui a fait que cette formule, en fait, elle a vraiment apporté un vent de fraîcheur, tout simplement, dans ce qu'on avait l'habitude de faire, des team deathmatch un peu plus classiques. Déjà, il y a ce côté, pour moi, ce qui compte le plus, c'est peut-être le côté vraiment survie, parce que là, l'idée, c'est pas juste de tuer, réapparaître et tout. L'idée, c'est de rester en vie le plus longtemps, ce qui induit une sorte de tension un peu supplémentaire, quoi. L'idée, c'est on reste, c'est... Voilà, ouais, sachant que les jeux t'indiquent combien de gens y restent. Ouais, toujours, en permanence, ouais. Tu sais combien de gens y vont rester, ou t'as une estimation, ce qui fait que plus la partie avance, plus t'as l'adrénaline qui monte. Exactement. En disant je fais partie des derniers, tu vois. Ouais. Et donc, tu commences à être vraiment sur tes gardes, et ça, en fait, ce petit shoot d'adrénaline, tu peux l'avoir à chaque partie. En fait, le combat est pas toujours souhaitable, et ça, du coup, ça change pas mal des autres jeux où t'es là pour te battre, ouais. Alors que là, c'est un choix, ou parfois, c'est un choix que tu vas te prendre dans la tronche parce que quelqu'un a choisi de t'attaquer, mais il y a ce côté, c'est constamment des micro-choix que tu vas faire. Est-ce que t'es là pour te battre? Est-ce que t'es là pour survivre? Il y en a, leur strat, c'est moi, je veux faire numéro 2, en gros, je me cache dans un buisson, j'attends le plus longtemps dans la zone. Alors, une fois sur 1000, éventuellement, ils gagnent parce qu'en face, ils se sont trop tués, il y en a un qui est mort dans la zone. Mais en général, ce qui se passe, c'est que tu te caches dans un buisson et le mec, à la fin, lui, il a tué 15 personnes. Donc, il est chaud. Bien chaud patate. Il a le couteau entre les dents. Et il a un super stuff, il a les bonnes armes. Toi, t'as tes trucs de début que t'as trouvé dans la première zone. T'es crispé en plus depuis 15 minutes sur ton PC, t'es là. Mais t'as fait top 2, ce qui est mieux que les 97 autres personnes, 98 même. Donc, c'est des strats qui se valent, mais on l'a dit, il y a du stuff aléatoire. En fait, chaque partie, elle est unique, en fait, par vraiment l'aléatoire. Donc, comme on l'a dit, les objets qu'on trouve seront pas les mêmes aux mêmes endroits. La zone ne se resserre pas au même endroit. On n'est pas droppé au même endroit non plus à chaque fois. Ouais, on choisit en droite, mais effectivement, l'avion ou le bus, il fait qu'on va plutôt être tenté de dropper autour de Et dès le début, du coup, c'est un choix. C'est-à-dire qu'on peut choisir de dropper vraiment à l'instant où on peut le faire, ou alors d'attendre le dernier moment. Zones. Il y a toujours des zones justement où il y a plus de monde parce qu'elles sont avec plus de stuff. Donc, en général, se dire vas-y, on va essayer de prendre quelques fights, etc. parce qu'on va pouvoir trouver vraiment des trucs intéressants. Ou alors, venez, on la joue tranquille, on va se mettre dans un petit coin, on va bricoler notre petit équipement et on va passer un quart d'heure tout seul en essayant de se la lommer dans la zone. Ce que j'avais trouvé ouf avec les Battle Royale, c'est que c'est vraiment des créateurs de petites histoires et d'anecdotes. Tu vois, je sais plus, je crois que c'était Ubisoft qui parlait d'anecdotes factory ou ça. Ouais. Et là, pour le coup, le Battle Royale, c'est ça. C'est-à-dire que vous pourriez raconter 10 histoires de Battle Royale, 10 parties différentes, et ça serait à chaque fois des moments épiques. Il y a des moments de stress, des trucs de peur, des choses incroyables qui se sont passées, et ça, du coup, ça permet à tout le monde de le ressentir. Mmh. On peut en plus en être spectateur si on regarde les gens sur Twitch, mais on peut aussi y participer, et comme il y a une bonne partie d'aléatoire, mine de rien, on peut se retrouver même sans avoir un gros niveau. J'ai réussi à faire des top 1 alors que je serais incapable de tirer sur un éléphant dans un couloir, mais pourtant j'ai réussi à terminer littéralement la case où, tu sais, moi je suis dans mon petit buisson et je vois deux gens qui s'entretuent et je suis là, ouais, chicken dinner, tu vois. Donc pourquoi pas. Mais il y a un truc aussi très addictif, je trouve, dans le fait justement de cette survie, tu sais, de dire allez, vas-y, j'en refais une, peut-être que je ferai encore mieux cette fois-ci. T'as envie de faire plus. Je la joue pas tout à fait comme ça, je vais faire d'autres choix. T'es à la recherche de cette espèce de rush d'adrénaline que tu ressens quand tu joues. Je trouve qu'il n'y a aucun autre mode de jeu multijoueur, moi, que je connais, qui me donnait ce... Quoique si, le versus fighting, tu vois, Street Fighter, il y avait quand même une certaine adrénaline. Mais là, c'est un truc un peu plus qui s'étend sur la durée, qui est plus dans la tension. Et après, il y a des grands moments de fight et tout se joue, en fait, comme il y a cette mort permanente, tout se joue vraiment à chaque instant. Et je pense que c'est ça qui a fait que, quand Battle Royale est arrivé, ça a vraiment donné un renouveau, une expérience nouvelle, des sensations nouvelles à plein de gens, quoi. En fait, c'est ça, je disais, c'est constamment des micro-choix, les armes que tu prends, les équipements que tu prends, est-ce que tu mises, parfois tu dis, j'ai trouvé, en fait, cette arme-là, maintenant, elle est pas terrible, mais elle peut devenir très bien si je trouve des bons équipements plus tard, est-ce que je tente ça, est-ce que je prends cette fight, est-ce que je vais à tel endroit, parce que, donc, c'est un équilibre constant de risque et de reward, et en fait, le risque, il est énorme, c'est juste que tu perds tout, en fait, donc il y a constamment ce spectre un peu au-dessus de toi de tu peux tout perdre, ça peut s'arrêter là, la partie peut se terminer. Ce qui fait d'ailleurs, alors c'est pas le cas dans Apex, mais c'est des jeux qui sont assez stressants quand t'es tout seul, parce que c'était plutôt donc PUBG et Fortnite proposaient ce mode, c'était pas le seul, on pouvait jouer en duo ou à 4. Mais en plus de ça, c'est les côtés, comme tu disais, t'as l'adrénaline, tu vois, PUBG, tu te planques pas mal, parce que PUBG en plus, c'est les jeux. Y a pas de. Si tu te prends un coup, je crois que ça t'indique pas d'où ça vient, tu vois, donc il y a un côté un peu, ça peut aller très vite, quoi. Non, oui, il y a une vraie tension, et du coup, c'est vrai que c'est un petit peu atténué dans Apex, et justement, peut-être que c'est là, on peut s'emmener vers Apex, et qu'est-ce qui le rend unique? Bah, déjà, il y a ce fameux donc, teamplay, puisque là, bah, c'est impossible de jouer à Apex tout seul, hein, de faire du Battle Royale tout seul, alors il y a un mode deux joueurs qui est arrivé un peu plus tard. Mais pas en compétitif. Attention. Ah oui, non, mais c'est précise, important de le préciser. Mais du coup, voilà, bah, le vrai mode de jeu de Apex, c'est donc A3 en escouade. Et ça, c'est ce qui va faire la spécificité du jeu. Je pense déjà, c'est déjà un truc en fait qui le rend du coup un peu plus sympa. Tu vois, c'est que tu vas jouer à 3, c'est pas un jeu où tu joues tout seul. Tu vas pas avoir cette tension ultime d'être en solo. Après, bon, Fortnite et PUBG, comme dit, tu pouvais jouer aussi, à 2. Il n'y avait pas de trio d'ailleurs, c'était 2 et 4. Donc, mais le truc, c'est que si t'avais déjà des potes, tu pouvais le faire. D'ailleurs, c'était des jeux qui étaient très connus. Hein. C'est une des raisons, je pense, pour lesquelles il était connu sur Twitch, c'est que les streamers pouvaient jouer ensemble. Ouais. Je pense que c'est aussi pour ça un peu, tu vois, Among Us, il a bien marché, parce qu'en vrai, littéralement, tout le monde peut y jouer. Et il y a plein de gens qui jouent ensemble. Bref, c'est les feats, hein, vous connaissez. Du feat et du fun. C'est ça. Mais là, Apex te force, en fait, à être 3. Donc, comme tu le disais, et le matchmaking, il est fait comme ça. C'est-à-dire que tu vas te retrouver, si tu joues, même si tu es tout seul, tu vas te retrouver avec 2 inconnus. Et ça, du coup, bah, c'est devenu une contrainte. Mmh. Pas dans le mauvais sens du terme, tu vois, mais ils se sont dit, voilà, notre jeu, il a 3. Ils ont fait ce choix de design-là, et du coup, ça les a obligés à réfléchir les choses différemment. Et je pense qu'on peut tout de suite passer à ce truc qui était le fameux ping system, parce que comme le jeu nous fait jouer à 3, il fallait trouver, quoi qu'il arrive, une manière de nous faire communiquer, et même de nous faire communiquer sans des micros et tout. Parce qu'en fait, si tu fais un jeu free-to-play, mais tu dis, il faut des micros et compagnie pour jouer, en fait, tu te fermes d'une partie de la population. Donc là, il fallait qu'ils trouvent un outil pour nous faire communiquer ensemble avec vraiment le minimum de périphériques possible, et donc il y a ce fameux ping system qui est devenu un standard par la suite. Alors, pour expliquer tout simplement qu'est-ce que c'est que le ping system, c'est au lieu de viser et de tirer, on va viser quelque part et on va indiquer quelque chose. Alors, soit ça va être j'ai vu un ennemi, soit j'ai vu un objet, soit venez, on va dans cette direction. En fait, en fonction des il y a une roue Il y a une roue pour des trucs un peu plus spécifiques, mais après, globalement, tu as juste un bouton en fait à l'endroit où ton curseur est, le jeu va comprendre ce que tu essayes de montrer, donc c'est très contextuel. En fait, c'est au jeu de s'adapter à ce que toi tu voulais faire. Si tu es ton curseur, que tu es sur une caisse d'armement, tu vas prévenir tes collègues, eux ils vont entendre la voice line qui est adaptée dans leur langue, parce que du coup tu peux jouer comme ça avec des gens du monde entier qui jouent en anglais, en français, en allemand, tout ce que tu veux, et le jeu en fait va s'adapter. C'est-à-dire que si tu entends du bruit, tu entends des tirs et que tu cliques globalement dans cette direction là, le jeu va dire j'ai entendu des tirs là-bas. Et le truc, c'est que donc c'est ping parce que ça plante une espèce de petite punaise en gros, chose qui était par exemple possible dans PUBG, que si tu ouvrais la carte, ou sur Fortnite aussi, il fallait ouvrir la carte et mettre un petit pop, et comme ça les autres voyaient sur leur carte pour eux, dire on va là quoi. Et tu vois dans ton champ de vision, tu vois là, il te dit à 400 mètres, il a mis la petite punaise, c'est par là. Sauf que là, comme tu l'as dit, c'est là où tu regardes et tu peux dire il y a un ennemi là, ou comme tu as dit, c'est contextuel, tu peux dire il y a tel objet ici, il y a tel objet là. Et en fait, ce truc tout bête, il a un peu révolutionné le dialogue entre équipes, puisque on l'a dit, donc quand tu jouais en équipe à PUBG ou à Fortnite, c'était en général avec des amis. Oui, je crois pas qu'il y ait de matchmaking en vrai. C'était, je pense, tu pouvais, en fait, si tu lançais en duo tout seul, c'était contre des teams de deux, mais tout seul. Donc je crois que tu étais obligé d'avoir quelqu'un avec toi au moment où tu lances la partie. Je me souviens plus. Je pense que je dis une bêtice. Maintenant que j'y repense, ça à mon avis, corrigé depuis, mais c'est. Ouais, peut-être qu'au tout départ, il n'y avait pas ça. Il y a une époque, il y avait ça, Mais effectivement, maintenant que j'y pense, je suis à un moment où c'était possible. Oui, c'est possible qu'ils aient corrigé ça. Mais bref, en fait, c'était quand même une. Il y avait un côté, c'est optionnel de jouer en équipe, du coup, la communication, ça va devenir un enjeu. Et il y a un truc très classique quand tu pouvais jouer à PUBG ou Fortnite, c'était dire, il est là, y a un ennemi il est là, juste là, regarde sauf que ton pote, il est dans une autre salle, dans une autre maison, en train de fouiller un truc. Là-bas, ça veut rien dire. Et toi, en fait, tu regardes devant toi, et effectivement, il est genre à 10 mètres, mais en fait, là, ça peut être à 50 mètres à droite, 40 mètres à gauche, et du coup, bon, ça, on pouvait dire, c'est à eux de se démerder, c'est une contrainte, parce que la communication, c'est important. PUBG intégrait une énorme boussole avec des tonnes d'azimuts, donc tu pouvais indiquer vraiment la position, genre 135, 140. Mais quand tu te fais attaquer, tu dis en fait, ça dépend de la distance. S'il est loin, ça marche, mais s'il est proche, il faut dire à côté de la maison, à côté de l'arbre, devant la porte. Ça devient des trucs de sous-marin. Il est à 130 MW repère à 2h. Et du coup, la Apex, comme il force les gens à jouer ensemble, même si t'as pas de micro ou quoi, effectivement, il y a ça déjà. En fait, c'est. Et je le dis, en fait, c'est un peu plaisant. En fait, c'est tellement simple que t'as pas envie de dire c'est une révolution, mais tout le monde l'a repris depuis. PUBG l'a repris, Fortnite l'a repris, même des jeux, je crois, Valorant, qui est un Counter-Strike Hero Shooter, ils ont repris le système de ping aussi, qui n'existait pas à ma connaissance. On en discutait, tu vois, ça m'étonne pas du tout, en fait, parce que je trouve ça tellement. Enfin, c'est évident, en fait, quand tu l'as, tu dis, c'est tellement pratique que vraiment, c'est génial, pas étonnant c'est que ça marche très bien quand tu ne parles pas. Donc, si t'es vraiment avec des pick-up et que t'as pas de micro ni quoi, tu vas pouvoir communiquer avec eux. échanger. Moi, j'ai pu faire plein de parties et comme ça. Et ça fortiori, quand tu joues avec des amis, tu peux l'utiliser comme, tu vois, un deuxième système de communication. C'est-à-dire qu'on peut se parler et on peut en plus utiliser le ping system pour se donner des informations, soit plus précises. Là, pour le coup, tu dis là et tu ping. Du coup, c'est bon, c'est clair, ça apparaît, ils disent c'est là. Et comme tu l'as dit, c'est contextuel. Tu peux aussi t'en servir pour dire, donc là, il y a tel objet, mais tu peux aussi dire, il me manque tel objet. Genre, tu ouvres ton inventaire, tu veux un chargeur de tel type pour telle arme, tu cliques sur le système de ping dans ton truc sur l'inventaire et ton perso va dire j'ai besoin de tel type de chargeur. Et pareil, j'ai besoin de tel type de munitions, j'ai besoin de soins. Enfin, donc, il y a effectivement pas besoin de parler en fait pour plein d'infos de base parce que PUBG, tu peux pas parler. Comment tu dis que t'as besoin de soins ? C'est un peu compliqué. C'était un vrai enjeu. Ils ont complètement réglé ça. Et il y a plein d'autres choses qu'ils ont faites. Hein. Les petits détails, moi j'aime bien, tu peux dire merci, tu peux dire de rien quand quelqu'un t'a dit merci. Voilà, c'est les petites... la France, mais monsieur. Mais voilà, oui. Mais c'est petite. Voilà, c'est bien de le faire. Et il y a aussi de contextuel. Il y a plein de voice lines en fait où les persos vont donner des infos spontanément. Il y a par exemple, alors je pense qu'il n'y avait pas au début, mais maintenant j'ai remarqué, j'y rejoins un peu là pour l'épisode, ils disent quand ils ont cassé un shield ennemi, parce qu'il y a un système de vie et d'armure, et quand on craque une armure, on a le son et tout, on a vraiment l'info, mais là le perso l'indique aux autres. Il dit aussi quand il a plus beaucoup de vie, il le dit. Quand il est à terre. Ou quand il se soigne aussi, il le dit. Et il y en a aussi, c'est vraiment, il y a plein de petits détails, ils disent par exemple, faut se dépêcher, la zone arrive, la tempête arrive, la zone elle est loin, ou parfois ils disent, attention, on est pas mal split sur la carte, regroupez-vous. Donc il y a plein de petites infos qui te sont données comme ça. C'est intéressant, il y a vraiment ce côté teamplay, c'est comme ça qu'ils ont vraiment focus leur jeu. Et il y a une autre, on l'a mentionné très vite, la petite mécanique justement spécifique qui le différencie, c'est qu'on peut ressusciter entre guillemets, puisqu'il y a, alors déjà il y a le truc fameux du chaos, c'est-à-dire qu'on ne meurt pas immédiatement, on va d'abord se retrouver à terre, à ramper un petit peu comme c'était dans les Gears of War, les trucs comme ça. Dans Left 4 Dead aussi. Dans Left 4 Dead. Tu pouvais pas ramper, mais t'étais pas mort tout de suite, et après les autres vont devoir vraiment te finir. Et après, même si, donc soit ils peuvent te revive pendant que t'es KO, et si tu es mort, tu as une espèce de grosse caisse qui apparaît à côté de toi, et dans cette caisse ils ont ce qui est, c'est une balise, je crois qu'ils appellent ça, et si tu récupères cette balise, donc il faut aller sur le cadavre de la personne de ton équipe qui est morte, récupérer la balise, et il y a certains points dans la map où on va pouvoir faire ressusciter en fait les personnages, les rappeler tout simplement. Tu rends la balise, alors évidemment ça consomme du temps, hein, c'est quand même un truc qui demande un certain effort entre guillemets, c'est un risque, gros vaisseau qui arrive, et y a un gros vaisseau, c'est pas très discret. Bah non, c'est pas discret. Quand tu passes à côté, tu sais, il y en a, ils sont maximum deux armés. Ouais, il va sauter, t'es à poil quand tu sors, donc tu dis c'est une bonne opportunité. Ouais, c'est une bonne opportunité. Mais tu vas quand même donc pouvoir faire revivre une autre, un membre de ta team. Et voilà, c'est possible que tu ailles jusqu'au bout du jeu et que tu puisses gagner après. Donc vraiment, ils ont pris cette décision. Encore une fois, je pense que comme ils se disent, nous on fait du team play, on n'a pas forcément envie, on veut quand même donner, je pense, une opportunité de dire. Si tu meurs au tout début comme un gland et que tes deux potes, bah ça va, tu vois, ils ont réussi à nettoyer le truc, tu dis bah je vais pas rester un quart d'heure à les regarder comme un gland. Là il y a une vraie opportunité, ça je trouve ça assez chouette en fait. Et elle est vraiment à la faveur vraiment de la team où la personne est morte, parce que alors t'as quand même, c'est pas gratuit, t'as à peu près une minute trente, oui, je dirais, faut là pour la récupérer la balise, et à la fin de ce cooldown la balise elle est plus récupérable. Ce temps, toi t'as l'info en tant que teammate, les ennemis ils l'ont pas, alors ils savent, hein, à partir du moment où ils ont tué qu'il y a quand même une minute trente, mais parfois tu sais il est KO, il va se cacher, parce que si t'es KO et que t'as pas été revive, tu finis par mourir aussi, si t'es KO trop longtemps, ça c'est la norme, hein, dans les Battle Royale. Mais il y a un côté, c'est chiant d'attendre en fait, si toi t'as tué une personne ou deux et que l'autre il est dans le coin et tout, en fait c'est un enjeu pour lui de récupérer les balises. Toi c'est genre, est-ce que j'attends 1 minute 30, on sait pas où il est, est-ce qu'il s'est enfui, ça se trouve il est mort, on sait pas trop. Ouais, et puis si t'es le seul de ton équipe qui est encore en vie, tu veux peut-être récupérer tes balises, oui, de plus, ton côté, enfin ouais. Mais même quand t'es 3, il y a un côté un peu, en fait ils ont trouvé vraiment la bonne durée où si t'es le survivant c'est ok d'attendre, et c'est en général c'est ce que tu fais, t'attends un peu les 10 dernières secondes, tu vois, pour commencer à courir et prendre la balise. Et les autres, il y a 2 chances sur 3 qu'ils soient cassés, tu vois, parce que juste c'est un peu chiant d'attendre, ils ont pas trop l'info, tu vois, si la personne est encore là. Parfois la zone arrive et l'autre il va jouer la zone, il va courir dans la zone, il aura que 1 point de vie, sachant que quand on se bat en fait et que les autres peuvent être assez rapidement au courant, parce que forcément il y a le son qui va être transmis, et donc rester à un endroit où on se bat, c'est pas forcément non plus la meilleure technique. Et du coup voilà, ça c'est un truc qui est vraiment à la faveur des gens, voilà, comme j'ai dit, les teams où quelqu'un est mort, et ça aussi ça participe à raconter des histoires, à rendre une partie unique et la rendre plaisante. Je pense qu'on a tous vécu les moments où ça récupère récupère une balise, on est encore dans la zone, vas-y, je récupère ta balise, on court, on t'appelle, il y a la zone qui est en train de se refermer, et moi je suis en train de perdre de la vie, et tu sais, tu meurs un peu en chaîne comme ça. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui arrivent, et ouais, c'est tout ce qui fait le sel un petit peu du Battle Royale. Autre spécificité, on en parlait un petit peu, il y a donc des héros, non, des légendes. Rien à voir. Ça n'a pas du tout, c'est pas du tout pareil. Donc, tous les personnages qu'on va pouvoir incarner ont des spécificités. Alors, c'est vraiment dans une moindre mesure par rapport au Overwatch où il y a des armes différentes et tout. Là, c'est pas le cas. On partage les armes, les armures et tout ça. C'est tout le monde pareil. Par contre, il y a des petites capacités actives qu'on va pouvoir simplement en pressant un bouton. Il y a des cooldowns, hein, comme c'est le seul. Tout le monde a un pouvoir passif. C'est ça, un pouvoir passif. Un pouvoir cooldown et une ultime. Un ultimate. Ouais, c'est basé sur les MOBA, hein, en gros. Parce qu'on parle, enfin, j'ai pas vu de truc vraiment clair dessus, mais depuis les MOBA, en fait, ils ont influencé un peu le FPS et le mix FPS-MOBA. On appelle ça des hero shooters maintenant. C'est un peu le modèle Team Fortress 2, mais Team Fortress 2, il n'y avait pas de pouvoir, c'était vraiment des armes. Ouais, c'est des, voilà, c'est ton perso, il a des armes et des déplacements spécifiques. Et Overwatch a un peu relancé justement ce truc-là en FPS. Et ils se sont inspirés du coup probablement un peu d'Overwatch. Et du coup, bah voilà, tous les personnages ont ces pouvoirs. Et c'est ça en fait qui va créer à la fois des différences, mais aussi nous forcer à collaborer, puisque l'intérêt c'est de construire une équipe qui est à peu près équilibrée, que chacun et chacune ait un rôle à peu près différent. Alors il y a déjà des rôles un peu prédéfinis, le jeu essaie de nous orienter là-dessus avec. Il y en a, ils vont plutôt être axés vraiment offense, déplacement très rapide pour aller faire des dégâts. Il y en a, ils vont être un peu plus en mode support, soit ça va être en nous soignant comme Lifeline, soit ça va être, je sais pas, en pouvant repérer les gens de loin. Enfin bref, il y a différents rôles comme ça. Et l'idée, bah, c'est de construire à la fois une team qui est à peu près équilibrée et puis de savoir aussi se servir de ses pouvoirs, parce que bah, c'est vrai que moi je trouve quand tu débarques dans le jeu, que tu connais pas, déjà faut un peu prendre en main tout le système de jeu, mais ensuite savoir comment utiliser ses pouvoirs, les utiliser à bon escient. Ça, c'est tout en fait une méta, hein. Ça fait partie vraiment du game design du jeu, essayer de comprendre quel est le bon moment pour pouvoir utiliser son pouvoir, quel est vraiment son intérêt dans différentes situations, parce qu'encore une fois, c'est toujours cette histoire de micro-choix, en fait. Et là, ça va vraiment apporter une profondeur au jeu qu'on ne retrouve pas dans les autres Battle Royale. Typiquement, tu as les persos qui sont basés sur la mobilité et qui peuvent emmener leur équipe. Par exemple, tu as Pathfinder qui peut mettre une tyrolienne très loin et tout le monde peut l'emprunter. Tu as Race qui peut mettre un téléporteur. Récemment, tu as Valkyrie qui peut sauter dans le ciel et amener ses deux coéquipiers et redescendre en jetpack. Et en fait, ça a pas un seul usage, comme tu l'as dit. En fonction de la situation, en fonction du contexte, tu vas t'en servir différemment. Est-ce que tu t'en sers pour attaquer quelqu'un? Parce que tu vois, le style de jeu, c'est plutôt un peu de camper, d'être safe, c'est-à-dire tu te mets à un endroit où, si jamais dans les 10 prochaines secondes, t'as un HP, tu peux un peu te cacher et te re-soigner. Et l'idée, un peu, c'est si tu prends une fight, tu poke un peu, c'est-à-dire tu tires de loin, tu fais des dégâts, parce que le jeu t'indique le nombre de dégâts que tu fais, il t'indique, comme j'ai déjà dit, quand t'as craqué un bouclier ou quand tu mets quelqu'un de KO. Et si t'arrives à mettre quelqu'un de KO ou mettre quelqu'un de très low, là, c'est le moment de l'attaquer. Et du coup, tu vas te servir de cette mobilité de façon offensive. Parfois, tu vas t'en servir pour te trouver une planque dans la zone. Pour te replier. Voilà, tu te fais attaquer. Il y en a un qui est KO. Typiquement, celui KO, Race, elle met souvent un téléporteur pour que la personne KO puisse. Parce que tu peux l'emprunter quand t'es KO. Tu peux prendre le téléporteur. Tu sais, comme tu peux ramer. Enfin, tu peux ramper. Tu peux ramer. Ou tu peux t'en servir pour prendre un point stratégique de la zone pour bien te placer, parce que le jeu t'indique quel est le prochain cercle, en fait, où ce sera, et ça devient un enjeu. Plus la zone se referme, et d'ailleurs, même Pathfinder, je crois, peut avoir une zone d'avance, justement, tu sais, alors, détecter. Ça a sur été des rééquilibré. Trucs. Je sais que Bloodhound le faisait pas au début, mais maintenant Bloodhound peut le faire. Pathfinder, en fait, il pouvait pirater les étoiles. Ouais, des trucs qui te donnent. Je sais que cette capacité existe toujours, en tout cas Bloodhound là, et Pathfinder, je sais plus si là, mais effectivement, ça c'était un passif, et ça l'est toujours de pouvoir, comme tu l'as dit, voir la future zone, et tu peux jouer. Du coup, la zone comme ça. Et t'as certains persos qui peuvent aussi aider à camper, en fait, à vraiment rester à l'intérieur. T'as Caustic qui peut mettre des bidons de gaz, et c'est chiant quand t'attaques parce que t'as de la fumée, ça te ralentit, l'info. T'as Watson aussi qui peut mettre des barrières électriques. Et en fait, c'est l'occasion de le dire, ce qu'on n'a pas encore dit, mais le système de comptage de points influence aussi ton style de jeu. Et typiquement, on l'a dit, c'est le jeu qui récompense beaucoup quand tu fais top 1, 2 ou 3. C'est là que tu vas vraiment gagner plus de points pour progresser dans la métaprogression, débloquer des trucs, c'est etc. Ça. Ou dans les classements. Et du coup, en général, plus tu montes de niveau, plus la stratégie, c'est quand même, comme je l'ai dit, c'est toujours d'être à un endroit déjà safe. Jouer safe, Et la camp est quand même en général plutôt favorisée. Et quand vous regardez c'est toujours intéressant de voir des tournois à haut niveau. Et tu vois, en fait, la zone elle est toute petite et tu vois qu'il y a encore 25 personnes en vie, tu dis, mais c'est un... Toi, t'as jamais vu ça, en fait, parce ouais, que ouais. Bah, eux, ils jouent vraiment leur vie, pour le coup, ils jouent vraiment safe dans des zones où ils savent quand attaquer, ils savent revenir, et surtout que, en fait, il y a un côté, j'imagine, c'est un nom dans la théorie des jeux, mais en fait, s'il y a trois équipes, s'il y en a deux qui s'attaquent, ça profite à celle qui attaque ouais, pas, tu vois. Ouais. Donc, il y a un côté, être passif, c'est quand même relativement la bonne stratégie, et je disais, le comptage des points influence ça, et en fait, à une époque, Apex, il te donnait des points par kill ou par assist, et c'était capé à 5, c'est-à-dire que tu fasses 5 kills ou 10 kills, tu gagnais le même nombre de points. Tu gagnais pas plus de points, voilà, tu gagnais autant de points, et du coup, bah, il y avait un côté, bon, si ça j'ai 3 kills, je suis content, c'est bien, tu vois, en fait, voilà. Ouais. Et je crois, ça, je sais pas, mais quelqu'un qui a beaucoup joué m'avait dit, mais H1Z1, par exemple, récompensait beaucoup les kills, et ça donnait des styles de jeu beaucoup plus agressifs. Juste peut-être pour revenir à cette histoire de pouvoir sur notre conducteur, Maxime, il y a noté le drame des jeux multi actuels. C'est la minute coup de gueule. Générique. Alors, dis-nous tout. Parce que, en fait, on a parlé de tous ces pouvoirs. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de choses à emmagasiner comme ça. Le jeu essaie de faire un effort quand même de tutoriel. Hein. Quand tu te lances dans le jeu, tu as une petite mission qui t'explique un peu comment te déplacer. Tu joues Lifeline, ouais. Je crois, on va t'apprendre un petit peu à utiliser ces pouvoirs. Et après, le reste, c'est at your own discretion, hein, c'est à toi de comprendre comment ça marche. Le jeu donne beaucoup d'infos, mais pas assez. Bah, pas assez ou de façon incomplète. Et ça, c'est un truc qui, en vrai, qui m'agace dans beaucoup de jeux multi, c'est que en fait, tu ne sais pas jouer. Alors, et je parle pas de la méta. Donc, pour préciser, la méta, c'est les stratégies qui sont appliquées par les joueurs, qui sont en général plutôt optimales. C'est les bonnes stratégies, c'est les bonnes pratiques à avoir. Ça, c'est pas les devs qui décident. Alors, ils prévoient évidemment, il y a des styles de jeu, mais il y a toujours un moment où c'est les joueurs qui, à partir des outils qui sont fournis par les devs, vont trouver des stratégies qui n'étaient pas forcément prévues. Et c'est ce qui mène d'ailleurs en général au rééquilibrage. Fait par les devs, c'est les façons de jouer. Et bref, moi je parle vraiment des trucs tout simples, vraiment les capacités ou des infos comme la quantité de dégâts que tu fais ou tel objet, à quoi il sert concrètement. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'infos qui sont incomplètes dans Apex. Par exemple, donc on l'a dit, tout le monde a trois pouvoirs, un passif, un actif entre guillemets et un ultimate. Et ça, ces infos, tu les as. Quand tu as le tableau des légendes, tu peux voir un truc comme ça. Et je prends juste un exemple, mais par exemple, c'est Revenant. Lui, il a un totem. En gros, la description, ça te dit mettez un totem, devenez immortel. En gros, c'est un peu, enfin, vous n'avez pas d'armure, mais vous pouvez revenir au totem. En gros, j'exagère un peu, mais c'est un peu l'idée. Mais ça te dit pas, par exemple, que tes alliés peuvent l'utiliser ou qu'il faut l'activer. En fait, tu poses le totem et il faut l'activer derrière. Moi, je me suis retrouvé comme un con, j'ai posé le totem, j'ai fait ok, c'est bon, let's go, je fais le truc, je suis mort. Tu vois, je suis pas revenu au totem parce qu'il fallait y aller, appuyer sur activer. J'attends, je vois trop Maxime qui a dit prendre sa bonne décision. Yes, j'ai placé mon totem, maintenant je peux y aller, je vais revenir. Et en fait, c'était la fin de la partie. Et c'est, du coup, t'as un truc assez incomplet et t'es obligé en fait d'aller sur YouTube ou d'aller sur Internet pour mieux comprendre les pouvoirs ou tout simplement en fait les comprendre ce qu'ils font, les enjeux. Ouais. Vraiment leur il y a pas mal de subtilités parce que comme on l'a dit, un même pouvoir va pas avoir la même utilisation et la même, on va dire, la même importance dans le moment to moment, parce que dans une fonction de quand on est en train d'attaquer les gens ou quand on est en train de se barrer, qu'on essaye de survivre et de fuir un combat, forcément le même pouvoir va pas du tout avoir le même impact au final. Et puis même des trucs tout bêtes, genre les quantités de dégâts que va faire telle arme ou tel pouvoir à tel moment sur telle zone et tout, en fait toutes ces données chiffrables, je pense que toi Max, t'aimes quand même bien jouer à plutôt niveau, c'est le genre d'infos que t'aimes avoir justement pour prendre les décisions à prendre en jeu. Quoi. Et après, les quantités de dégâts, tu peux l'avoir dans le truc d'entraînement par exemple, mais ça veut dire qu'il faut prendre chacun. Oui, c'est ça, voilà. Je peux pas juste avoir un petit tableau tout simple, faut aller sur un wiki. L'autre exemple auquel je pensais, tu vois, c'était Overwatch par exemple, où t'as des infos quand même, tu vois, c'est ce perso, est-ce qu'il tue, combien de dégâts il fait, parce que tu sais que les points de vie, beaucoup de persos ils ont 200 points de vie, par exemple, c'est important de savoir que Macri, qui est un perso qui a un pistolet, il fait 70 de dégâts, parce que c'est-à-dire qu'en 3 coups. Bon ça c'est sur internet en fait, cette info tu la trouveras pas dans le jeu, mais bref, voilà, c'était le petit coup de gueule. Jeux multi, s'il vous plaît, vous peut-être une idée, faites peut-être des partenariats avec des youtubeurs, des gens, intégrez une petite vidéo YouTube, mettez un petit bouton genre est-ce que vous voulez en savoir plus, moi qui ai des descriptions brèves, ok, pas de soucis, mais après un petit la détailler, là tu tapes deux pages de trucs, des stats, une petite vidéo qui t'explique. C'est vrai que c'est important, tu vois, la prise de décision. Alors on en parlait il y a quelques épisodes avec Diablo, typiquement, quand tu dois comparer deux objets, et là toutes les informations sont données, tonnes de chiffres. Toutes les infos sont là, c'est vrai. Ça peut être lourd, parce que effectivement ça demande de comprendre effectivement l'impact de chaque choix et de chaque chiffre que tu vas voir, mais c'est vrai que si tu les as pas, quand un jeu est basé sur des choix, mais qu'on te donne pas suffisamment d'infos pour en faire, forcément il manque quelque chose. Surtout qu'on l'a dit, la mort est définitive, donc c'est un petit peu frustrant. Si t'avais mal compris un truc, en fait il va falloir beaucoup tester sur le terrain, en fait c'est ça le truc. Et bon, bah, tu vas perdre beaucoup de temps. Après, ça peut être un plaisir aussi hein, d'expérimenter, mais parfois, bah, tu avais une description qui n'était pas très complète. Et voilà. Après, c'est un enjeu aussi de bien expliquer, puisque comme on l'a dit, c'est un jeu qui est sur la durée. Il y a des rééquilibrages, il y a des armes qui sont améliorées. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, il faudra update le truc. Mais bon. Et puis aussi, il faut bien expliquer parce que bah, c'est un jeu qui a un vrai ladder. Il y a vraiment un système de classement qu'on n'avait pas forcément dans, les autres Battle Royale. Et quand on parle de ladder, hein, c'est un peu le modèle bah, StarCraft, des choses comme ça, où vraiment on va jouer des gens avec des gens de notre niveau et bah, on va monter dans les classements. C'est une histoire de rang, en fait. Voilà, en diamant, de ton niveau de jeu. Grand Master, tous ces trucs comme ça, voilà. Bronze. J'ai envie de t'en taper en 5 parce que, ouais, Team Bronze. Ouais, c'est nous. Je connais pas l'historique du ladder, mais ouais, j'ai l'impression que c'est StarCraft 2, tu vois. Pour moi, c'est StarCraft 2, je pense, qui a lancé le délire. Et j'imagine que c'est inspiré du système d'Elo des échecs, yes. Où le système d'Elo des échecs, c'est que t'as un score qui t'est attribué. Alors j'imagine c'est quand tu rentres en compétition, dès que t'es inscrit, machin, t'as peut-être un Elo de base. Et quand tu rencontres quelqu'un qui a plus d'Elo que toi, bah lui, il va en perdre s'il perd contre toi et toi, tu vas en gagner. Ouais. Et à l'inverse, bah, tu vas en perdre, j'imagine, plus ou moins en fonction du niveau de ton adversaire. Ouais. Et du coup, plus tu fais de parties, bah, plus t'as un nombre, un score en fait qui correspond à la réalité de ton niveau, voilà, ouais. Qui permet bah, d'affronter des personnes de ton niveau et aussi de constater un progrès. Et ça, c'est StarCraft 2 qui l'a vraiment, à ma connaissance en tout cas, implémenté vraiment dans le jeu, puisque avant bah, c'était des créations de serveurs, de parties personnalisées, fallait un peu jauger. Bah, disons bon, que dans StarCraft 1, t'avais des tournois, des choses comme ça, voilà, donc les gens arrivaient à jauger un petit peu leur niveau, mais t'avais pas un truc chiffré voilà. Derrière. Du coup, c'est ouais, de la ouais. Niche, tu vois, de oui, faire oui, ça. Oui, ouais, oui puis bon, StarCraft 1, ça concernait beaucoup, surtout ouais. La et Corée. Et puis, du coup, ça a été repris partout. Maintenant, bah, y a beaucoup de jeux comme ça, je pense à Rocket League, norme, hein. Ouais, je pense à Teamfight Tactics ou des trucs comme ça, je sais plus comment ça s'appelle. Valorant, CSGO, League of Legends. League of Legends, voilà. Et donc, dans Apex, il y a du ladder, et ça aussi, toi, Maxime, tu aimes bien jouer compétitif. Ouais, mais voilà, bah oui, j'aime bien, mais parce que, bah, comme dit, j'aime bien en fait voir le, bah, les deux trucs, c'est être avec des gens de ton niveau. En fait, c'est tout bête, mais parce que quand tu lances, alors, il y a en vrai, il y a ce qui s'appelle le MMR. Ouais, il y a un peu du. C'est ton score, le MMR, c'est ton score. Et c'est votre matchmaking rating, j'imagine. Et en fait, quand tu fais les parties non classées, rapide, ouais. En fait, il y a un classement secret que tu connais pas, et le jeu essaie de faire en sorte que ce soit plus ou moins équilibré. Bon, le truc, c'est que parfois, tu as des nouveaux joueurs, en fait, ils sont super forts, ils ont un compte assez récent, enfin bref, il y a toujours ce doute. La fameuse technique du smurf. Et à l'inverse, tu vois, je crois que c'est Fortnite qui a implémenté ça, peut-être PUBG, mais maintenant, les nouveaux joueurs, ils se battent contre des bots. En fait, ils mettent des bots au début, le jeu te dit pas, tu vois, il te dit pas, lui, c'est un bot ou quoi. J'avais joué aussi à Naraka Blade Points, qui est un Battle Royale. Armes blanches et là aussi il y a des bots et ça se voit un peu de toute façon tu vois au déplacement un bot, si tu regardes un petit peu c'est cramé ça se voit assez vite mais du coup le mode compétitif bah t'assures que t'es contre des gens de ton niveau et comme dit en fait tu as ce plaisir en fait de t'améliorer d'apprendre des choses de constater sur le terrain que ça se passe mieux d'avoir appliqué en fait tes apprentissages et de devoir remonter et de te fixer des objectifs en disant bah moi je veux devenir plate ou diamant ou master et c'est plaisant de monter quoi. Et ça tu vois c'est un truc je pense qu'on a tous expérimenté parce que tu joues à Street Fighter typiquement avec quelqu'un qui joue beaucoup mieux que toi, tu vas rien faire. Alors qu'effectivement, quand tu vas avoir des gens qui ont à peu près un niveau, tu vois, tout le monde galère à sortir ne serait-ce qu'une petite boule de feu, bah tu vas commencer à apprendre des choses. Des beaux matchs. Des grands matchs. Des trucs à smash où t'as tout le monde qui essaye de se jeter sur les objets. Non, mais c'est vrai que c'est important d'avoir des gens avec un niveau relativement proche parce que du coup, ça permet aussi d'éviter la frustration. Parce que comme c'est un jeu qui se joue beaucoup sur la répétition et sur l'investissement personnel, parce que bah, pour devenir plate ou diamant ou quoi, tu vas devoir y jouer un certain nombre d'heures. Hein, tu vas pas arriver comme ça et grimper les classes. C'est pas comme dans les mangas, tu sais, c'est pas les Naruto, les tournois, les machins, ça marche pas comme ça. Et puis surtout, bah, ça donne quelque chose d'un peu unique au jeu qu'il y avait pas forcément dans les Battle Royale. Et encore une fois, qu'il l'oriente peut-être un peu plus, encore une core gamer, tu vois, ça me fait plus. J'ai l'impression que cette direction qu'ils ont décidé de prendre aussi s'illustrait par ce choix-là, même si j'imagine qu'il y en a d'autres qui le font. Je sais plus quand ça a été fait, mais je sais que Fortnite il a implémenté ça à un moment. Mais ça, j'ai pas l'impression que c'était très populaire. Les gens, ils y jouent comme un réseau social aujourd'hui. Donc, tu vois, j'ai l'impression que justement, tu vois, il y a des identités vraiment différentes pour le jeu. Peut-être un autre point qu'on peut aborder, qu'est-ce qui rend Apex aussi différent, c'est que c'est un côté, ils ont fait un travail sur la quality of life assez époustouflant. En fait, il y a déjà tout ce ping system vraiment qui a révolutionné le game à ce niveau-là. Donc, déjà, ça, c'est une vraie prouesse. Mais en même temps, c'est un jeu aussi qui fait tout pour être lisible. Il y a des munitions qui ont vraiment des formes et des couleurs différentes. Il y a plein de choses. L'UX, en fait, est vraiment travaillé pour que ça soit pratique. Ouais, c'est ce qu'on appelle donc, l'expérience utilisateur, l'UX. Et du coup, ça passe par des tonnes de petites choses qui vont déjà, ne serait-ce que les contrôles du jeu, les déplacements, le fait de pouvoir, comme on on l'utilisait, comme on le disait, grimper sur un muret, faire une glissade, etc. C'est des choses qui sortent très naturellement. Il n'y a pas des combinaisons de touches. Il n'y a pas de dégâts de chute non plus, ce qui en fait le meilleur jeu de l'univers à en fait, mes yeux. Pour moi, ça c'est toujours intéressant parce que les dégâts de chute, c'est un truc qui détermine comment tu joues à un jeu. Moi, ça fait penser à Doom 2016, quand le jeu il t'introduit qu'il n'y a pas de dégâts de chute, tu peux sauter d'où tu veux, ça veut dire, en fait, tu peux profiter de la verticalité, je peux faire ce que tu veux. Quoi. C'est ouais. ça. Et donc là, vraiment, c'est une indication pour moi de te dire, en fait, ce jeu, il se joue comme ça. Les dégâts de chute, c'est toujours assez explicite, en fait, dans la manière d'aborder un jeu. Et pourtant, ça n'empêche pas certains jeux cartoon de le faire. Par exemple, Fortnite, il y a des dégâts de chute, mais comme tu as les constructions, tu as parfois des enjeux, justement, tu tombes, et au dernier moment, en panique, il faut mettre une petite passerelle en dessous de toi et tout. Ça crée aussi des trucs intéressants. Et après, bon, il y a toute la ribambelle, évidemment, les couleurs de loot qui sont faciles à identifier, le système d'accessoires, le fait que quand on ramasse un accessoire, on n'est pas obligé de faire du menuing ou quoi, ça va s'intégrer directement dans la bonne arme au bon endroit. Ça, si là-dessus, t'as un ils truc sont encore très, mieux, il choisit de mettre le truc mieux, t'as pas besoin de réfléchir à ta place. Et si t'as un truc mieux pour un truc, mais que t'as un autre truc encore un peu moins bien pour une autre arme, enfin, en fait, le jeu prend la bonne décision à ta place. Et comme tu le dis, ouais, fais vraiment pas de menuing. C'est un jeu. Moi, mes premières parties, j'allais même pas encore dans les menus, tu vois. C'est après que j'ai vu, je fais ah ouais, je peux virer les munitions. Même les munitions, tu vois, par exemple, celles dont sont. Si t'as récupéré des munitions dont t'as pas besoin ou t'as pas des armes qui les exploitent dans ton inventaire, parce que c'est un jeu où il y a quand même une gestion d'inventaire et du poids, hein, tu peux pas tout prendre sur toi, et ben il te dit voilà, il y a une grosse croix, genre ça t'as pas besoin, donc vas-y, jette-les si t'en veux pas. Il y a une croix sur tous les accessoires dont t'as pas besoin, et quand tu lootes aussi, parce qu'on l'a dit, donc quand quelqu'un meurt, il y a une caisse, et cette caisse, on peut la looter. Là, il y a pas mal de menuing, il y a une grande liste qui s'affiche, et ça, c'est le grand classique des Battle Royale. Alors pas Fortnite, parce que le loot s'étale sur le sol, mais je mets une petite mention à Fortnite aussi, parce que là il y avait vraiment le côté, tu comme dit, ça s'étale sur le sol, les munitions ça les ramasse automatiquement, enfin Fortnite est aussi pas trop dégueu là-dessus, mais il y avait beaucoup de enlever ton inventaire, remplacer dans ton inventaire. Là, comme tu l'as dit, vraiment le jeu il gère pour toi tous les accessoires, l'armure aussi. Par exemple, t'as une armure bleue, tu trouves une armure violette, tu cliques, boum, il la remplace, c'est bon. Si toi t'as une armure vide et que tu trouves une armure de la même couleur qui est pleine, boum, il va la remplacer aussi. Il y a vraiment le jeu, le jeu pour beaucoup de décisions à notre place. Hein. Oui, mais en fait, il sait ce que tu veux faire avec le truc, parce qu'il sait de toute façon quel est le choix optimal. Il y a pas de raison que tu veuilles faire. Non, je vais pas prendre l'armure violette parce que je veux, je veux que ça soit plus dur. Moi, je joue en mode difficile. Non, c'est pas vrai. Tu joues pas comme ça. Alors que tu vois, on compare beaucoup en fait à PUBG où là c'est beaucoup plus austère, mais c'est un parti pris aussi. C'est-à-dire il y a ce côté entre guillemets réaliste et il y a ce plaisir des gens, tu vois, d'avoir le menu, des compliqués, de s'y retrouver en fait. Je parlais de comment dire d'amélioration objective. Et ben gérer ton inventaire. Quand tu vas vite, hop, c'est tu remplaces, tu enlèves. C'est bon, ça, c'est un truc que tu remarques, tu vois. Et PUBG, oui, il te dit rien sur les. C'est aussi des choix, en fait, les accessoires. Par exemple, t'as des lunettes, je sais pas, x4 ou x8. Bon, bah, ça dépend de comment tu veux jouer. Bon, Apex aussi. Il y a aussi ce truc-là, des x4, x8. Je m'en souviens justement qu'elles sont pas. Genre, la x8 est pas forcément la mieux. Ça peut être bien de prendre la x4 si tu vas faire du close combat. En général, en fait, le Apex a quand même tranché. C'est-à-dire que la x8, tu pourras la mettre que sur certaines armes. Il y a pas beaucoup d'armes sur lesquelles tu peux mettre la x8, en général c'est pas trop mal. Et là aussi où il y a un peu un entre-deux entre réalisme et comment dire arcade, c'est que il y a une physique des balles qui est entre guillemets assez réaliste, c'est-à-dire qu'il y a une physique des balles qui est simulée, c'est des projectiles, c'est-à-dire que la balle entre le moment où on clique et le moment où la balle va toucher l'objectif, bah il s'écoule du temps, la balle va traverser faire tout le trajet. C'est pas le cas de Fortnite par exemple, à part c'est pas que du hitscan du coup. Non, si tu regardes bien, moi ça m'avait un peu surpris d'ailleurs, même en commençant à jouer au jeu, je voyais à quel point les balles tu les vois passer et t'as l'impression qu'elles tombent un peu sur la tronche des mecs, et justement je trouve que ça rend le combat à distance parfois, enfin il faut appréhender justement ce système de projectiles, parce que ça se joue différemment qu'un e-scan. C'est pas juste je vise et en plus faut que ça tombe dessus, et parfois moi qui vise mal je touchais quand même, donc j'étais là yes, j'ai bien géré. Après tu le vois vraiment forcément à partir d'une certaine distance, ça reste des balles, à 10 mètres c'est du e-scan, c'est comme du e-scan entre guillemets. Après il y a du spread, il y a pas mal de spread, juste pour expliquer que des balles, en fait, quand tu vises, en fait, ça va secouer un peu, elles vont partir un petit peu à côté. Et ça dépend aussi de tes accessoires. Ouais, justement, tu as des barils qui permettent de stabiliser un petit peu l'arme. Mais par exemple, Fortnite, à part les snipers, c'est quasiment que du hit scan. Ouais. Donc à très longue distance, tu touches directement. Et PUBG, évidemment, lui, c'est le côté très réaliste où c'est du projectile. Il y a donc. Il y a un mec qui a toussé, la balle, elle va partir un petit peu à côté. Donc ça s'éparpille. Il y a ce qui s'appelle du bullet drop. Donc la balle tombe. Plus la distance est loin, plus la balle tombe. Mais à côté de ça, donc ça, c'est côté plutôt surréaliste, mais à côté de ça, il fait des choix. Typiquement, je l'avais dit, quand tu touches quelqu'un, déjà, il t'indique le nombre de dégâts, et il t'indique aussi, il le met en couleur s'il y a une armure, et du coup, tu sais que cette personne a perdu 26 de shield violet. Ouais, ouais, et voilà, tu sais que le shield violet, c'est, je sais plus, 150, on va dire, d'armure. Par exemple, si toi, t'es en fin de game, en général, tout le monde a une armure violet ou rouge, donc entre 100 et 125, je crois, et ben, si tu fais des dégâts gris, tu sais qu'il a que 50 de shield, et tu dis, lui, il est pas bien, il est pas bien stuffé, lui, il est faible. Il est pas bien stuffé. Bah ouais, il est pas bien stuffé, ça veut dire que potentiellement, c'est un mec qui s'est planqué pas mal de temps. C'est que c'est un planqué. Et t'as aussi l'info, j'ai dit, quand tu craques le shield, et ça, ça peut être le signal de, ok, on y va, lui, il va se remettre du shield, on peut se permettre déjà un peu d'avancer, parce qu'il va se cacher, il va s'en remettre, ou c'est aussi la stratégie de jouer le shield, c'est-à-dire que bah, si toi t'es un peu planqué, les autres un peu planqués, si tu craques deux fois, trois fois le shield, tu dis bon, eux ils ont plus beaucoup d'armure dans leur inventaire. C'est un aspect que j'ai trouvé vraiment impressionnant quand tu joues à ces jeux, c'est la différence entre quelqu'un qui débute et tout ce que tu vas apprendre sur le sur la suite. Tu vois, il y a pas que la partie agilité à la souris, la prise d'information quand j'ai commencé à jouer avec Max radical. Qui m'expliquait des trucs et que tu fais quand coach Max est attends, il y a eu tel bruit donc veut dire qu'en fait il s'est passé ça, en fait tu as l'impression que c'est Sherlock Holmes quoi d'un côté il te dit ça veut dire qu'il s'est passé je trouve que c'est des jeux qui quand tu rentres dedans, et j'ai vraiment vécu ça encore une fois en jouant Apex Legends, ces jeux qui sont assez overwhelming, en fait il y a plein d'infos que tu dois connaître, tu vois les boucliers, les machin, tu dis alors attends comment ça fonctionne, et en fait le temps que tu faut que t'aies l'info, et ensuite faut que tu saches comment te servir de l'info, c'est quoi les enjeux, et tu vois ces trucs là que Max qui dit ça y est on a craqué le bouclier, on l'a craqué plusieurs fois, et parce qu'on sait que on doit trouver des trucs pour recharger le bouclier, là a priori ils en ont plus parce qu'ils ont dû le recharger trois fois, donc ça veut dire que maintenant on doit pouvoir y aller, en fait c'est toute une grammaire du jeu qu'il faut vraiment apprendre, et après que tu commences à t'en servir correctement pour t'exprimer et faire les décisions importantes. Moi je suis pas du tout arrivé à ce niveau-là, hein, clairement. Et si tu rentres vraiment dans le détail, t'as aussi, parce que des objets de soins, il y en a, je crois, 5 types différents. Ouais, il y a les soins. T'as les petits soins, les gros soins, les petites armures, les grosses armures et le kit phoenix qui rend tout. Et en fait, c'est pas le même temps. Genre, te rendre de la vie, c'est plus long que te remettre de l'armure. Mais voilà. Ça, je savais ça. Voilà. Ouais. Mais si t'as plus d'armure, si t'as une armure à 50, est-ce qu'il vaut mieux se remettre deux petits shields plutôt qu'un gros qui pourrait t'en remettre 100 si t'avais un gros shield? Ça aussi, c'est plein de micro-choix en fait que tu vas faire, la durée que ça va mettre. Et comme on l'a dit, l'optimisation de l'inventaire. En fait, tu finis par savoir au bout d'un moment si t'as 10 kits de soins, non, c'est pas du tout optimisé quoi. Tout ça pour dire que ça fait de Apex Legends un Battle Royale assez unique déjà dans son game feel, qui a quelque chose de très spécifique qui vient de Titanfall. Il y a un côté très plaisant à jouer avec tout ce quality of life, et puis il y a ce côté teamplay qui vraiment l'a différencié dès le début et sur lequel ils ont vraiment travaillé. Et qui a fait qu'il a pu trouver sa place finalement sur le marché des Battle Royale. Et on l'annonçait un petit peu au début d'épisode. Encore aujourd'hui, ça continue de marcher. Le jeu a vraiment réussi alors à trouver son public. Alors que c'est la saison 19, je crois, qui arrive c'est là. C'est ce que vous avez dit. Il me semble que c'est ça. Il y a eu quand même déjà pas mal de rotations depuis sa sortie donc en 2019. Mmh. C'était il y a 3 ans déjà. Et bien sûr, s'il a pu aussi durer dans le temps, c'est parce qu'il y a eu ce système de monétisation. On l'a dit, c'est un jeu qui est gratuit. Donc, depuis quelques années, le free-to-play, c'est devenu véritablement un laboratoire de recherche dans l'industrie du jeu vidéo, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'expérimentations depuis une certaine date, en 2004, et la sortie de World of Warcraft. On a commencé à réfléchir à comment on monétise les jeux sur la durée. Alors, au bout d'un moment, on demandait du blé aux gens tous les mois. Ouais. Rapidement, on s'est rendu compte que demander de l'argent à personne, mais qu'il y ait quelques baleines qui donnent du blé de temps en temps, ça permettait également de fonctionner. Et tout ce système de free-to-play, en fait, s'est lissé et s'est affiné au fur et à mesure des années. Et aujourd'hui, on en est arrivé à un système qui est quand même plutôt bien installé. Et standardisé, Les microtransactions, que des trucs cosmétiques. On ne vend pas des objets qui changent l'équilibrage du jeu, parce qu'on sait que ça va nous... tout ce qui est... pay to win, comme on appelle ça. On sait que ça va foutre la merde. Pour un jeu sérieux, en fait, pour un jeu qui se veut un minimum sérieux et qui veut rester sur la durée, non, c'est pas... Ça, c'est pas possible. D'ailleurs, Electronic Arts en ont fait les frais. Voilà, avec Battlefront 2, justement, il y a eu ce problème. Ça a changé le gameplay, Battlefront 2. Oui, c'était un des problèmes. Et aussi avec Shadow of Mordor, ces deux jeux-là ont eu vraiment des gros bad buzz autour de ça. Shadow of Mordor, dans Shadow of War, ils ont été obligés de changer carrément... C'était l'équilibrage de fin de jeu, en fait, qui était craqué. Ils ont chanté la moitié du jeu jeu pour et, pour et Battlefront, effectivement, t'avais un gros avantage quand même. Enfin, en fait, c'est pas un si gros avantage, genre si tu joues très très bien, mais en fait, dans les niveaux pour tout le monde, ça allait vraiment changer l'expérience. Et du coup, Apex, on l'a dit, il y a des skins, il y a des skins d'armes, il y a des skins de perso, c'est un peu la base. Skins de bannière. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est en fait de voir ce qu'ils arrivent à monétiser, parce qu'il y a vraiment ce côté social où juste ton plaisir d'avoir ton petit personnage, de faire des petits trucs uniques, enfin uniques du coup, non, mais que tu pouvais pas faire ça et pas payer. Voilà. Bah tu as dit, il y a des emotes, donc c'est des animations qu'on peut faire en, en jeu ou qu'on peut aussi faire. Donc je crois qu'il y avait pas ça au début, mais quand tu gagnes, donc quand t'es un champion, il met le top 1, tu peux faire ta petite emote, ton petit move, genre Valkyrie, elle peut sortir une brochette et la cramer comme au football en fait. Hein. C'est un peu le même délire. Ouais, tu marques un but et boum, t'as tout le monde qui a son petit mouvement signature. Ça a été repris comme ça. Il y a les petits charmes que tu mets sur l'arme, les petits gris-gris, là, les petits porte-clés. Il y a les bannières aussi que tu peux voir. Ça, c'est sur l'écran des scores. Ouais, c'est ça. Ouais. L'écran des scores, ton profil. Et les gros écrans qu'il y a sur la main. Ouais, c'est ça. C'est les trucs que tu vois quasiment le plus, je trouve, moi, les bannières, hein, parce que c'est ce qui s'affiche. Et puis, tu choisis les petits points que tu vas mettre dans les bannières qui sont à la fois des choses que tu peux acheter, mais aussi des choses que tu débloques. Oui, tu choisis, c'est une espèce de. Moi, j'ai tué 10 personnes. Ouais, voilà, exactement. T'as les stats, tu sais quel style de jeu. Moi, j'ai ressuscité 20 personnes. Moi, j'ai que des stats comme ça sur mon perso. T'as des stats, je crois, c'est Pathfinder, c'est le nombre de kilomètres fait en tyrolienne. Voilà, ça, c'est très pareil, je pense que c'est le bon stat. Moi, je ne compare pas sur les kills. Je suis mais bon, content. C'est la précision, genre 3%. Non, ça, je veux pas l'afficher. Et du coup, ces bannières, il y a des trucs avec des animations, des dessins, ça bouge, on entend une voice line. Enfin, voilà, il y a vraiment ce côté customisation à fond où vraiment on va te faire dépenser tout notre argent virtuel que tu as acheté. Et ça a été beaucoup repris d'Overwatch qui a poussé le curseur assez loin dans le délire. Alors, c'est pas les premiers, hein, parce que du coup, des modèles de free-to-play assez anciens maintenant, il y a Pass of Exile et Warframe qui ont vachement pousser ce truc là. Et il y a un autre truc après, en plus de la fameuse box, en fait il y a ces fameuses box d'Overwatch. Là, c'est plutôt ça, ce qu'Overwatch a vraiment formalisé, c'est la façon d'ouvrir la petite boîte, là, le petit tremblement, l'explosion lumineuse, les différents rayons de couleurs qui tombent par terre. Bon, là, c'est vraiment la pochette surprise ultime. C'est Skinner, et Overwatch, ils l'ont fait vraiment, c'est trop bien calibré. Ça vient pas d'Hearthstone en plus? Si, le côté lootbox, en fait, ça existait déjà dans les jeux de cartes, c'est un booster. Hearthstone, tu kiffes ça. À chaque fois que tu ouvres un boost, tu t'avais le mec qui disait légendaire. Et c'est le vrai plaisir. Hein. Donc, je pense que tu peux remonter plutôt vers les, vers les jeux de cartes, donner les box. À l'origine, évidemment, c'était Diablo. Voilà, les petits gars, c'était comme ça. Le coup des couleurs, quand ça pète, les monstres explosent, il y a des couleurs. Et on est content. Et oui, il y a des choses qui se remplissent. Et du coup, les loot box qui étaient plus ou moins populaire, mais comme on l'a dit, c'est que tant que c'est du cosmétique, bon, ça finit par aller. Et puis voilà, c'est surtout la deuxième grosse bonne pratique maintenant de l'industrie qui, elle, a été popularisée surtout par Fortnite, c'est ce fameux Battle Pass. Du coup, pour rappeler le principe, c'est très simple, c'est en fait au fur et à mesure qu'on joue, on va débloquer naturellement des petits skins. On paye ou pas d'ailleurs, on paye ou pas, oui, parce qu'on a de l'XP en parallèle. Exactement, c'est ça, au fur et à mesure que tu fais des parties. Moi, j'ai pas fait de classement, tu vois, donc je gagnais que l'XP, tu vois. Et tu montes des jauges, elles se remplissent et à la fin c'est trop bien, il était trop content, le cœur du jeu vidéo. Et donc, les gens, il y a des choses qui se débloquent, mais si tu payes ton petit Battle Pass, si tu as mis des 10 euros dedans, et bien c'est encore mieux, tu débloques encore plus de trucs. Et Maxime l'a dit, attention, ça se rentabilise, Maxime. Mais bien sûr. En tout cas, celui de Fortnite et celui d'Apex, en tout cas. Donc le Battle Pass, alors déjà, il coûte pas si cher par rapport au skin. C'est 10-20 balles, je crois, de mémoire. Mm-hmm. Alors, t'as ce prix de skin, hein, Sachant que les skins que tu as dedans, en général, tu pourras pas les acheter en dehors. Il y a tout un système de monétisation avec des rotations, par exemple, sur la boutique de Apex, mais également de Fortnite, qui ont été étudiées, où il y a des trucs avec des machins temporaires. Enfin, il faut de l'exclusivité. De l'éphémère, bien sûr. Oui, les skins, en tout cas, Fortnite, les skins n'étaient pas tout le temps achetables. Mmh. Et ce que tu as dans les Battle Pass, c'est pas forcément la même chose que ce que tu as dans la boutique régulière. Oui, c'est ça. Et du coup, donc tu payes 10-20 balles. Et alors, il faut le farmer, hein, comme on l'a dit, il faut que tu prennes de l'XP. Ça débloque aussi en général, c'était le cas pour Fortnite, des tâches en fait, à faire qui te rapportent encore plus d'XP. Genre Fortnite, ils avaient poussé le truc assez loin, ça te faisait apparaître des trucs que tu ne voyais que si tu avais le Battle Pass. Tu as genre des cerceaux, et si tu les traverses, si tu fais les 10 cerceaux, ça te rapporte 500 XP, c'est génial. Mais en fait, tu finis par jouer un peu à un autre jeu. En fait, il y a des trucs que tu fais pour ton Battle Pass. Et quand tu arrives, du coup, je crois qu'il a 100 niveaux. le Battle Pass. Donc tu as gagné des skins, en général tu as quelques skins légendaires, quelques trucs dans le tas, mais tu gagnes aussi de la monnaie virtuelle. Et donc comme j'ai dit, c'est le cas d'Apex et Fortnite en tout cas, tu gagnes assez d'argent pour te racheter un Battle Pass la prochaine saison. Sans mettre de la vraie... Sans repayer en fait, tu payes le Battle Pass une fois, et si tu atteins alors un niveau, j'imagine minimum 50, hein, mais peut-être même jusqu'à 100, voilà, t'as de quoi acheter le prochain, mais ça demande beaucoup de temps. C'est un coup de génie énorme. Le Battle Pass, ils sont malins, tu vois, fais payer les gens pour qu'ils jouent plus longtemps. Oui, c'est ça, parce que c'est pas génial. Juste je paye pour racheter ce que je veux, c'est je paye parce que comme ça, comme j'ai payé, je vais m'engager encore plus à jouer. Et c'est, mais ça faisait des années qu'ils cherchaient, à craquer le code. Et ça y est, parce qu'ils se sont dit, bon, comment on fait pour que les gens, parce qu'on est dans une logique de rétention, un jeu service, l'objectif c'est de faire en sorte que les gens ils y jouent le plus longtemps possible. Et là ils se sont dit, ben la meilleure façon c'est de les faire payer. En fait, pour être sûr qu'ils y passent du temps. Et on rigole, mais je veux dire, moi j'ai déjà acheté des Battle Pass et je suis un gros pigeon avec les trucs cosmétiques, hein, dans Warframe ou autre, j'en ai plein. Donc tu parles des abonnements nouveaux, que en fait tu peux le voir de différentes manières. Tu pourrais dire, toi, en tant que, si tu kiffes le jeu, tu dis, bah moi j'ai payé que 10-20 balles pour des centaines d'heures, voire un ou plusieurs milliers d'heures. Je kiffe, j'adore avoir mes skins, je rachète mon Battle Pass, je suis très content. Soutenir le petit studio, et de ton point de vue, non, mais sans forcément soutenir, tu dis, bah j'en ai pour mon argent. En plus, c'est la logique. Mais c'est ce qu'on te dit. En fait, justement, c'est tu mets ton truc et t'en auras pour ton argent puisque tu vas passer du temps dessus. Quoi. Mais c'est ça qui est comme fou. Tu l'as dit, en fait, la raison pour laquelle c'est quand même la maison qui gagne à la fin, quand tu joues beaucoup, alors déjà, ça peut t'inciter à plus jouer que ce que tu aurais joué si tu n'avais pas payé. Déjà, je l'ai dit, hein, les tâches. Ouais. En fait, il y a une rotation générale de tâches, c'est que tu as des tâches à faire par jour, des tâches à faire par semaine. Et tu as une tâche globale en général. C'est ça. Tu as un gros truc de Battle Pass qui dure un mois. Et parfois, tu te prends un peu au piège du Battle Pass, entre guillemets. Ça peut être un plaisir, hein, donc là, mais il faut faire attention quand même, c'est-à-dire que ça peut être un plaisir, mais comme je l'ai dit, ça peut t'influencer quand même à faire un des choses de Stockholm. Après, remplir des jauges, voilà, et là où c'est malin, c'est que du coup, les jauges en général se remplissent pas au même rythme, c'est-à-dire qu'on va te dire, il faut tuer 20 personnes pendant que t'es en train de faire ça, en fait, ta jauge de il faut faire 3 fois 360, tu vois, il faut faire des triples loot, 20 km, et bah tu dis, ah putain, je suis à 19,5 km, donc bah je relance une petite partie, et voilà, et parfois tu te surprends, t'es genre vendredi, tu dis, ah, il me reste ça et ça, jusqu'à dimanche, faudrait que je m'y mette quand même demain, faudrait que j'en joue, parce que ce serait bien quand même de finir cette tâche. Ouais, et du coup, tu t'organises avec tes collègues, du genre, t'en es où, etc. Enfin, du coup, c'est vraiment un système. Et puis, ça maintient le monde à l'intérieur, ça maintient le nombre de joueurs à l'intérieur, du coup, le jeu est continué à vivre, et enfin, c'est vraiment un cercle vertueux. Non, bravo, moi j'ai envie de dire bravo à ces gens-là. Et du coup, pourquoi est-ce qu'ils veulent que vous jouez longtemps? Donc, déjà, parce que j'imagine, il y a toujours. Comme ça, tu joues pas à autre chose. Déjà, voilà, ça, c'est... en fait, c'est les deux trucs, j'allais dire, ça augmente déjà un peu la probabilité que tu finisses quand même par acheter des trucs parce que tu passes beaucoup de gens dedans. De temps dedans, t'aimes bien, ou tu vas ramener des potes ou quoi, et comme tu l'as dit, en fait, jouer à ça, c'est ne pas jouer à autre chose. Ouais. Donc, si tu réfléchis vraiment en termes de marché, tu peux ne pas gagner d'argent, mais si t'en fais perdre à l'autre, bah t'es un peu gagnant quand même. Non, et puis surtout, tu maintiens ton jeu actif, et ça veut dire que les autres, ils disent, bon, bah, vaut peut-être mieux que je joue à ce jeu. En fait, de toute façon, on est vraiment sur la guerre de l'attention et du temps. En gros, il y a une espèce, tu sais, il y a des seuils, c'est-à-dire qu'en dessous d'un certain seuil, il n'y a plus suffisamment de gens pour qu'il y ait d'autres gens qui puissent voir ce que tes trucs cosmétiques, parce que bah, le but, c'est il y a de la vanité, mais il y a aussi d'en faire profiter aux autres gens. Et du coup, s'il n'y a plus personne pour en profiter, bah, les gens vont plus dépenser. Alors qu'à l'inverse, plus t'as de gens, tu vois, t'as des espèces de seuils critiques où t'as tout un truc qui se met en place. C'est toute une machine en fait qui tourne comme ça, et c'est vrai que ce Battle Pass, c'est cool qu'on puisse en parler là dans l'émission, parce que bah, dans les jeux solo aujourd'hui il n'y en a pas trop. Alors ça commence à arriver dans les saloperies, genre Diablo. pas du tout, mais je pensais Assassin's Creed, étant donné qu'ils sont vraiment pensés comme des jeux service, même en solo ils proposent ce genre de truc là, en tout cas ils proposent des boutiques et des choses pour gagner du temps, etc. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui les monetization managers, les monetization designers, etc., c'est des rôles ultra importants dans certains studios, hein. C'est vraiment des métiers à part entière d'étudier tous ces petits trucs là. Et alors ça, c'est beaucoup hérité, il faut le savoir, du jeu sur mobile où il y avait beaucoup d'analyse de données en temps réel. Ça aussi, ça a changé le game. À quel moment t'as joué 10 minutes de moins que la veille, alors peut-être que je vais te mettre un petit, est-ce que la jauge faut qu'elle soit un peu plus grande, un peu plus petite, c'est vraiment tous ces petits détails. T'as une masse de données, tu dis ok, c'est quoi le point critique là, on a un million de data qui nous disent que c'est à tel moment qu'il faut faire tel choix, et du coup on l'implémente. C'est le truc à même personnaliser l'expérience, tu vois. Pour vous n'êtes pas connecté depuis une semaine, bah voilà, 50% de réduction sur le prochain truc. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez fait cette semaine? D'habitude, vous êtes là? T'étais où? T'étais où? Ouais. Alors, on se rappelle de Valve qui avait embauché l'ancien ministre de l'économie grec, je crois, pour bosser sur leur market, sur le Steam fameux. Market et tout. Parce que le Steam Market qui a en fait lancé plein de trucs, qui a été un peu un labo aussi pour plein d'autres jeux, parce qu'on l'a dit, le Battle Pass ou les échanges d'objets et tout, en fait, c'était déjà sur TF2, sur Counter-Strike. De toute façon, ça vient pas de nulle part. Enfin, comme tu le disais, c'est vraiment quelque chose qui s'est affiné avec le temps. Et puis voilà, toutes ces histoires. C'est un enjeu depuis plus de 20 ans. Les saisons, les machins et compagnie, en fait, tout ça va ensemble. C'est vraiment un gros package qui est pensé. On peut terminer justement en s'attardant un petit peu sur les saisons, parce que tout ce qui huile ça, donc on l'a dit, il y a des daily challenges, il y a des weekly challenges, et il y a ce côté un peu du cerveau. Hein. Comme tu as dit, ça a été beaucoup étudié, les jauges qui se remplissent pas de la même vitesse. On incite pour jouer plus. Et ce qui huile bien tout ça, c'est vraiment ce côté saison, où la saison en général, elle est synchro avec le Battle Pass. Hein. Le Battle Pass se termine parce qu'il y a une période pour atteindre le niveau 100, après c'est fini, c'est perdu, vous pourrez plus. Et c'est la fin de la saison. Il n'y a pas moyen d'acheter quand même à la fin. Si t'es à la fin, tu peux pas dire vas-y, je paye un peu plus pour l'obtenir. Dans Fortnite, tu peux avec des V-Bucks acheter les niveaux de Battle Pass. Voilà. C'est-à-dire que, imaginons, tu payes ton Battle Pass, t'as pas eu le temps. Non, mais t'as pas eu le temps. C'est pour 5€ de plus, t'as tout. Ce serait quand même dommage. C'est un coup de portée. Enfin voilà. Tu l'avais déjà payé. Mais si tu payes plus, tu peux tout avoir. Mais comme Assassin's Creed, au final, tu dis en solo, Assassin's Creed, t'achètes du temps. C'est ça que t'achètes. T'achètes du temps de grind ou de l'effort que t'as pas envie. Mais est-ce que finalement, jeu vidéo, c'est pas ça? C'est juste acheter du temps en fait. Mais tu vois, c'est assez drôle qu'on en parle dans l'émission, parce que c'est vraiment un spectre du jeu vidéo qu'on aborde assez peu d'habitude, même dans nos chaînes respectives. C'est pas des jeux qu'on aborde tant, et ce système de monétisation du temps de jeu et du temps d'attention qu'on peut avoir, c'est vraiment un domaine qui a explosé ces dernières années. Et Fortnite, là-dessus, on peut encore les saluer, parce qu'ils ont fait beaucoup pour ça. Ils ont vraiment le système du Battle Pass. Est-ce qu'il faut saluer, Benoît? Je sais pas s'il faut saluer, parce que bon, c'est évidemment d'un point de vue éthique et moral, c'est différent, mais je veux dire, on peut juste reconnaître que tout ça, ça n'existerait pas à un tel niveau de précision s'il n'avait pas passé autant de temps là-dessus. En fait, là où il y a vraiment la question éthique, c'est est-ce que on veut vraiment que les gens aient beaucoup plus envie de jouer que ce qu'ils jouent déjà. En fait, il y a ce côté, toi, en tant que développeur ou éditeur ou quoi, est-ce que ton but, c'est que les gens ne fassent que ça? Est-ce que tu veux être la seule occupation, en fait, des gens? C'est ça, en fait. On est vraiment dans du business du temps d'attention, en fait. On est en train de négocier le temps que les gens vont passer sur notre truc, et pendant qu'ils le font, ils font pas autre chose, et ils peuvent regarder des publicités dans les jeux mobiles. C'est ça l'objectif, à un moment donné. Donc, c'est sûr qu'il y a vraiment des enjeux qui s'opposent, et moi, je sais que c'est un aspect du jeu vidéo qui me plaît pas des masses, enfin, tu vois. J'arrive à prendre conscience de ça, et surtout à titre perso, je suis assez sensible à ces trucs d'addiction. Je le sais pour avoir été vraiment un gros joueur de MMO pendant une certaine période, donc je fais gaffe, tu vois. J'essaye de me tenir assez loin de ces trucs là parce que moi, tu me mets des jauges qui se remplissent. Enfin, vous l'avez entendu, hein, direct, moi ça marche. Mais c'est pour ça, tu vois, quand on sait, il y a toujours ces trucs de l'addiction du jeu vidéo, mais en fait, aujourd'hui, on arrive avec des jeux qui systèmes qui sont designés pour te retenir dedans. Donc, je trouve que maintenant, il y a une corrélation qui est beaucoup plus claire en fait des problèmes qu'on peut avoir, et surtout il y a des business qui tiennent dessus. Et on joue en fait sur ta peur de rater des trucs, de pas être amélioré, tu vois, avec des jeux sur Fortnite, il y a tellement d'objets, de collections, de machins, de mélanges. On joue sur la collectionnite, on joue sur le FOMO, on joue sur l'aspect social de moi je veux avoir les skins comme mon pote, etc. Il y a énormément de choses. Il y a de la reconnaissance sociale bêtement, tu vois, c'est comme à l'école, t'as pas les mêmes chaussures, t'as pas les mêmes trucs. Mais il a pas des skins Fortnite, lui, moi je lui parle pas, je suis désolé de lui dire. Et puis il y a ce truc, t'as payé ton Battle Pass et t'es pas allé au bout, t'as pas rentabilité. Et ça, pourtant, dans toute notre vie, on nous l'a rapporté. Hugo, tu vas au bout des choses que tu as commencé. Ça, c'est ma mère. Avant ou après l'achat de Pokémon? Parce que y a quand même deux phases, tu vois, dans l'histoire d'Hugo. Après, pour dézoomer un peu, c'est un truc qui concerne aussi d'autres entreprises que jeux vidéo. Les grosses entreprises de jeux vidéo se comparent à Netflix, tu vois. Enfin, ce que je veux dire, Netflix, ils font exactement ça. Netflix, ils te lancent l'épisode 5 secondes après, c'est pas innocent. Ou Netflix, ils financent. Ils t'envoient une petite notif sur ton téléphone. Il faudrait regarder la suite de tel épisode que t'as pas regardé depuis 15 jours. Ça me fait penser qu'il y a Better Call Saul, faut finir l'épisode. Netflix qui finance des séries plutôt que des films, c'est parce que c'est plus rentable. Ou qui va annuler des séries après 2-3 saisons parce qu'ils considèrent que les gens décrochent plus. C'est d'autres problèmes pour d'autres industries, mais toujours cet enjeu de l'attention. Et voilà, juste pour finir, je l'avais annoncé, mais on va finir un peu très vite fait sur les saisons, mais c'est l'occasion de créer des événements. En fait, il y a ce côté, justement, l'intérêt, ça va être créer de la nouveauté dans ton cerveau. Donc on a dit daily, weekly challenge et tout, mais aussi les saisons. Et en général, quand c'est bien huilé, ça va être les nouveaux persos, des nouvelles skins, une nouvelle map. Apex, là, ils ont 4 maps maintenant. Il y a des rotations. là au moment où j'ai joué pour l'épisode, alors pas de bol pour moi, c'était King's Canyon qui est la première map, alors elle a été un petit peu modifiée depuis. J'ai pu tester un peu la nouvelle en quick play, entre guillemets, en non classé, parce qu'en non classé, il y a une rotation toutes les heures et demie, je crois. Oui, c'est comme ça. Comme ça que alors que là, c'était un mois et demi, tu vois. Donc la nouvelle saison va amener une nouvelle map. Tu vois, Fortnite, au début, quand ils sont sortis, il n'y avait pas ce système de saison, mais on va encore les saluer, c'est eux qui ont démocratisé vraiment cet événement, tu vois, quand il y avait une nouvelle saison Fortnite. On se souvient, à un moment, ils avaient shut down le jeu pendant genre 2 jours. Tout le monde est. Enfin, c'était en un événement mondial. Ce qu'ils ont pu faire, Fortnite, que personne d'autre n'a les moyens humains et financiers de faire, c'est qu'ils font les changements pendant qu'on est en train d'y jouer. Il y a un truc seamless où toi, t'es en train de jouer et tu vois l'événement en même temps que le reste du monde le faire. Alors qu'en général, les vrais studios, tu vois, c'est genre, il y aura une maintenance pendant 2-3 heures, wink, il y aura une surprise. Et justement, le jour où ils ont créé une maintenance, Fortnite, en fait, c'est genre pas de Fortnite pendant, je sais pas, ça durait 24 heures, 48 heures. Ouais, c'était 2-3 jours, mais pas plus, c'était un énorme événement parce que justement, ils avaient pas fait ça jusque-là. Sachant que Fortnite, à la base, ils faisaient toutes les semaines, c'était une nouvelle update. Alors c'était pas évidemment c'est pas une nouvelle map hein, toutes les semaines, mais t'avais une nouvelle arme, t'avais un nouvel objet, t'avais un nouveau truc, une nouvelle ville peut-être, un nouveau bâtiment, bah, ou même des nouvelles features. Regarde aujourd'hui dans Fortnite, ils ont viré les constructions, ils ont rajouté la glissade de Apex, ils ont rajouté ils ont rajouté de la nage, le ping de Apex, et les saisons après, voilà, comme dit, c'est Fortnite. Il y avait un moment, c'était je sais plus quand ils ont commencé à faire ça, c'était un autre monde, enfin il y a des fights temporelles, bref, mais c'était un lot de skins, c'est des événements, c'est vraiment un événement dans votre la map est nouvelle et t'as envie d'y retourner. Est-ce que tu dis, bah tiens, j'ai envie de voir ce qu'ils ont changé de la map, tu vois, ils avaient rajouté toute une zone désertique et tout, bah t'as envie de voir ça, il n'y avait pas ça en fait jusque là. Donc c'est toute une mécanique qui est vachement bien huilée à court terme, moyen terme, long terme, et le Battle Royale, il s'inscrit très bien en fait dans ce côté jeu service, parce que là pour Apex, il y a des nouveaux persos, où va y avoir une rotation d'armes aussi, on va te changer tes habitudes, genre t'aimais bien jouer au Scout, qui est un sniper dans Apex, et ben maintenant c'est une arme légendaire, tu pourras plus la trouver n'importe où, va falloir changer un peu ton habitude de jeu, on a rééquilibré telle arme parce qu'elle était un peu trop forte, hop, bah tu vas devoir réapprendre aussi un petit peu à jouer. Donc voilà, comme on l'a dit, l'intérêt c'est de te garder longtemps. Ça empêche pas le jeu d'être bien. On rigole sur le côté. On a dézoomé un petit peu de Apex pour justement discuter un petit peu de tout ça. C'était aussi les gens se posaient la question, mais qu'est-ce qu'ils vont dire sur Apex? Et ben voilà ce qu'on a dit sur Apex, tout simplement. Mais parce que c'est super intéressant en fait tout ça, parce que c'est une grande partie du paysage vidéoludique qui fonctionne avec ça. Peut-être du coup, pour conclure un petit peu sur Apex, ce qui est sûr c'est que ça a marché pour eux, que ce business model aujourd'hui y est, c'est une de leurs nouvelles grosses vaches à lait, hein. Et je le rappelle aux gens, vache à lait, c'est pas une insulte, hein, c'est un terme marketing qu'on utilise pour dire des produits qui justement fonctionnent très très bien, sur lesquels on va pouvoir capitaliser. Là, c'est même le produit star. Si le on produit star, c'est FIFA. Non, mais c'est le star. Tu peux pas toucher FIFA. En fait, vache à lait, c'est peu de croissance, c'est ça, grosse part de marché. Mais là, c'est en croissance. C'est le produit star. Ça renvoie les anciens étudiants d'école de commerce. Boston Consulting Group, mon ami. McKinsey. Voilà. Non, c'est vrai que il y a FIFA toujours Ultimate Team, le fut. Oui, le fameux fut. J'aime le dire, à chaque fois je ne m'en lasserai jamais. Ils ont toujours le FIFA Ultimate Team. C'est des camions qui versent de l'argent comme j'allais ça dans la cour. J'allais dire Battlefield, mais le dernier, a priori, a pas super bien marché. Ouais, Battlefront, par contre, ça reste. Battlefront, après une partie de Buzz. Mais ils ont perdu la licence Star. Enfin, ils n'ont plus l'exclusivité de la licence Star. Mais Apex, c'est devenu vraiment très très gros au sein d'IS. C'est un des gros pourvoyeurs comme ça de chiffre d'affaires qu'ils ont eu. Et du coup, sur les dernières années, retrouve vachement mis sur le devant de la scène. Sûr. Et puis là, maintenant, ils ont plein de projets qui arrivent. On va faire du Star Wars, un nouveau FPS, un nouveau machin, Jedi Fallen Order. Maintenant, Respawn, c'est un studio. C'est finalement, quand même, ces gens-là, tu vois, Vince et compagnie, ils viennent d'Infinity Ward, ils ont grossi comme ça et ils ont recréé un truc. Bon, mine de rien, c'est quand même des gens, ils ont compris comment ça marchait, hein, délire. Hein. Et comme on l'a dit, voilà, en ce moment, le jeu service, c'est vraiment une poule aux œufs d'or. Hein, tu vois, il y a pas mal de studios qui essayent. Hein. Ubisoft, ils ont leur Rainbow Six Siege. Ouais. Ils n'ont pas vraiment réussi à en avoir un autre. Ils ont essayé de lancer leur Battle Royale, dont j'ai déjà oublié le nom. Voilà, Hyperscape. Ils ont pas trop push le truc, mais quand même, enfin, c'était quand même un jeu, tu vois. Ils l'ont shut down, hein, officiellement, il y a pas très longtemps. Ça a duré quoi, un an à peine, tu vois. Ouais, à peine. Ouais. Donc il y a pas mal de jeux qui essayent. Hein. Ils ont eu The Division, voilà. Ça, c'est, je crois on que est sur du jeu service moins, solo. Voilà. Ouais, je crois qu'avec le 2, ils ont vraiment rajouté une roadmap et tout. De toute façon, la logique derrière, elle est simple, c'est-à-dire que faire un jeu, plus ça va, plus ça coûte cher, et donc comment tu fais pour t'assurer de rentrer de l'argent avec ce jeu, non pas uniquement à la sortie mais sur la durée, et puis pour rentabiliser le truc et trouver sa place, parce que là on se le dit aujourd'hui, voilà, maintenant le Battle Royale, on a quand même les quatre grands, on a Fortnite, PUBG, Warzone et Apex. Bon, là, ça commence à être vraiment serré. Hein, ouais, donc, comme oui, les sardines. C'est hein. des studios qui ont des moyens humains ouais, et des ouais. moyens financiers. Oui, c'est ça. Énorme. Ouais. Et donc, bah, après, il y a des jeux qui arrivent à se faire une petite place. Tu vois, il y a des petits phénomènes. Moi, je pensais notamment à. Comment ça s'appelait le jeu Interville, là, on en parlait tout à l'heure. Ah, Fall Guys. Fall Guys, tu vois. Mais là, qui reprend. C'est, mais c'est, un peu, mais c'est quand même un peu différent. Tu vois, on est c'est pas un peu sur différent. FPS, mais on retrouve un ouais. petit peu cette logique de petite adrénaline à chaque partie. Donc, ils arrivent à se faire une petite place. Mais par contre, arriver demain avec un FPS ou un TPS qui pourrait prendre la place d'un Fortnite. D'un Warzone ou quoi, va falloir se lever tôt quoi. Tu vois, je l'ai cité brièvement tout à l'heure, c'était Naraka Blade Point. Ça a été joué un peu, je crois que Gotaga y avait joué, d'autres, voilà, j'imagine qu'il était payé au moins un moment. Hein, j'imagine, voilà, je sais pas, peut-être que je vais me faire attaquer ouais, en français. Les streamers sont payés, diffamation, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire. Mais je crois qu'il y avait aussi joué par plaisir ou quoi. Alors, il y avait joué par plaisir. Non, mais en plus, passion, ouais. propos imprécis rapporté d'un pote, là, j'ai pas vérifié. Mais Gotaga, faut bien qu'il vive aussi. Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que le jeu, voilà, il a pu susciter un intérêt chez certaines ouais. personnes, mais bon, très vite, tu vois, le flanc il est retombé une fois après, le comme aussi, passé. Après, aussi, il y a toujours ces histoires d'échelle, c'est-à-dire que tu vois, t'écoutes certaines personnes, PUBG c'est un jeu qui est mort, ça reste un des jeux très joués, c'est juste qu'effectivement, il n'a pas atteint le côté vraiment stratosphérique d'un Fortnite, mais un jeu comme Fortnite, c'est des phénomènes, on en a connu 3 ou 4 dans notre vie, tu vois. On a eu World of Warcraft, on a eu Minecraft, on a eu Pokémon, et il y a Fortnite, ouais, il y aurait GTA éventuellement, mais voilà, c'est des phénomènes qui touchent tellement au grand monde. Mais forcément, c'est parce que ça fait plaisir d'en parler, tu vois. La presse, c'est des trucs qui sont simples. Tu parles de Fortnite, tu sais qu'il va se passer quelque chose. Mais ça veut pas dire que les jeux fonctionnent pas. Là, Apex, il marche très bien et il continue de très bien tourner, même s'il est pas au niveau des autres en termes de nombre de joueurs. Donc voilà, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour pour Apex Legends, ce Battle Royale qui nous a tous... Enfin, c'est un jeu qu'on a tous les trois bien aimé, il est très plaisant à jouer. Pour moi, c'est la référence du déplacement à la première personne. En tout cas, c'est vraiment... Il n'y a pas de jeu plus plaisant, je trouve. Tu vois, t'es à d'autres jeux avec des glissades ou quoi, en fait, à côté d'Apex, ça paraît quand même rigide. On vous remercie de nous avoir écoutés déjà, on vous remercie eh bien, d'aller faire un petit tour sur le Patreon de Fin du Game, la page est facile. Achetez le Battle Pass de Fin du Game. Oui, voilà, exactement, sûr, achetez le Battle Pass de Fin alors, du Game. Au bout de 15 heures d'écoute, vous avez le t-shirt, mais pas que. Non, on porte le t-shirt, mais pas que pendant l'enregistrement. Là, le département bizdev de FDG Corp. Je crois que, voilà, mon cerveau, on va en discuter là après pendant le repas. Le Battle Pass FDG arrive. On remercie une nouvelle fois notre sponsor pour cet épisode. Je le rappelle, c'est le Game Pass. C'est cette grande collection de jeux qui est accessible sur PC ou sur console Xbox. Il suffit de s'abonner 9,99€ et vous retrouvez tous ces jeux. Il y a des jeux de Fin du Game. Hein. Le prochain épisode, c'est Kentucky Route Zero et il est justement sur le Game Pass. D'ailleurs, il a été ajouté. Nous, c'était déjà quand prévu. Quand on l'a annoncé, voilà. Oui, bah, ça, bon, après, bon, voilà. C'est le truc. Hein, c'est normal qu'il s'adapte vous à nous. Vous ne le voyez pas, mais je vous ai fait un clin d'œil. Hein. Voilà. Non mais il faut pas s'habituer à ça, c'est censé être exceptionnel, tu vois, nous on voit effectivement, on a une annonce, boum, il tombe dans le Game Pass après le sponsor, c'est dur de s'extasier après tout ce cosmos, tu vois, mais bon, voilà. Pour déblaser. Bah ouais. En tout cas, voilà, il y a plein de jeux de Fin du Game, des jeux dont on a déjà parlé, évidemment, qui sont dans le Game Pass, mais voilà, c'est vrai que c'est ça qui est pratique, effectivement, avec le Game Pass, c'est que, bah, avec une émission comme la nôtre qui revient sur des jeux parfois un peu plus anciens, et bah hop, on peut les trouver dans le Game Pass. Merci encore une fois à Microsoft de nous soutenir. On se retrouve donc dans 2 semaines, si tout va bien, pour parler, eh bien voilà, d'un jeu avec des millions de joueurs, hein, encore une fois. Ah ouais, bah là, oui. Voilà, on va partir dans... En tout cas, il faut essayer de survivre jusqu'au bout du jeu. Oui, ça... ok, bah, très bien. Ça a été dit. Merci de nous avoir écoutés. À la prochaine. Ciao.